Alors ce soir, démolir la culpabilité. Ça commence bien. Ça signifie de démolir un bon nombre de mécanismes, entre autres parmi plusieurs institutions dans lesquelles qu'on fréquente et parmi les plus prestigieuses, entre autres la fameuse justice et ses lois. C'est une institution ça commence toujours par t'es-tu coupable ou t'es pas coupable? Ça frise un petit peu la culpabilité tout net. Puis ensuite, l'école, la société en général, la famille, puis l'individu finalement, la culpabilité, on la voit à tous ces niveaux, elle se manifeste partout. La publicité s'en sert énormément. Finalement, il n'y a pas moyen d'ouvrir la bouche pour avoir une conversation, quelle qu'elle soit, sans qu'on utilise directement ou indirectement des mécanismes provenant de la culpabilité. Les relations sont très, sont souvent pleines de sous-entendus qui viennent de la culpabilité. Comment se fait-il qu'on est affligé par ces mécanismes-là? On pourrait dire peut-être de la programmation, mais finalement, ça signifie quoi? Daniel Kemp va-t-il nous ébranler encore une fois avec son discours pas comme les autres? Ou va-t-il nous soulager? En tout cas, je sens que ce ne sera pas reposant pour l'ego. Accueillons Daniel Kemp. Ton ego se sent coupable de quoi? On se sent coupable de tout et de rien, puis même on se sent coupable d'être coupable ou de se sentir coupable. Oui, l'homme transitif, souvent, il se sent coupable de ne pas se sentir coupable. D'ailleurs, c'est l'un des points les plus dangereux, les plus difficiles à traverser lorsqu'on veut se déculpabiliser, c'est qu'on finit par se sentir coupable de ne pas se sentir coupable. Et même si ça paraît un peu contradictoire ou paradoxal, c'est un fait assez intéressant de constater qu'il y a beaucoup de gens qui, dans leur transition évolutive, finissent par se dire, bah, c'est pas grave si j'ai fait ça, s'il y a ceci, s'il y a cela. Puis, à un moment donné, la culpabilité va reprendre le dessus et on va l'analyser psychologiquement. On va la vivre de façon à ce qu'elle nous instruise qu'on est peut-être coupable de ne pas se sentir coupable. Et c'est un des pièges subtils qui finalise la libération de l'homme ancien ou de l'homme transitif de cette culpabilité. On va, pour commencer, faire un petit peu le tour de la culpabilité, de quelle façon elle est appliquée dans nos vies, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent coupables d'une chose ou deux. Mais la conférence ne pourrait pas avoir l'envergure que j'aimerais lui donner si on ne découvre pas suffisamment les pièges où peuvent être appliqués ce phénomène de la culpabilité. Certains vont dire, moi, je me sens coupable de ne pas tout donner à mes enfants. Bon, mais si on explique à la personne, mais la personne finit par comprendre qu'elle ne doit pas se sentir coupable du bonheur ou du malheur des autres, elle pourra peut-être se libérer de cette forme de culpabilité, mais à un moment donné, elle se sentira coupable d'aller au guichet automatique et de ne pas arriver à pitonner les bons pitons, parce qu'il y a du monde qui attend. À un moment donné, elle se sent gênée, elle se sent ceci, c'est la culpabilité encore. Elle a l'impression que la conscience collective la juge comme une imbécile. Alors, elle se sent coupable. Parce qu'il faut comprendre, ce n'est pas qu'on a un mécanisme de culpabilité chez soi, disons, attaché à une fonction particulière de notre état psychologique, mais que la culpabilité, ce n'est pas inhérent à l'homme, cela fait partie de l'instruction du mensonge cosmique dans la psychologie de l'homme. Cela veut dire que la culpabilité ne provient pas du cœur de l'homme, mais provient de l'éducation extérieure à l'individu. Donc, lorsqu'un individu se libère d'une forme de culpabilité, il peut facilement être récupéré par la conscience collective, c'est-à-dire les forces astrales involutives, et ramené encore une fois à vivre un contexte culpabilisateur. On n'a pas besoin d'être plus que deux ou on va être tout seul puis se sentir coupable. Pour se sentir coupable, il faut avoir une âme, c'est tout. Tu as une âme, dans cette âme, il y a des mémoires volatiles, de l'expérience mémorisée. À l'intérieur de ça, il y a de l'ego, l'agglomérat des mémoires des expérientielles. Et à l'instant même où tu as une âme, tu es relié au phénomène du ciel, au monde de la mort. Et nécessairement, tu seras manipulable, manipulé. Et la façon la plus parfaite pour que l'être humain manipulé ne se rende jamais compte qu'il est manipulé, c'est qu'on va l'instruire qu'il a un libre arbitre total. Donc, c'est lui qui intentionnalise ses actes. Donc, c'est lui qui décide. Et décidant, il vivra des erreurs ou des conneries, étant donné qu'il sera convaincu que c'est lui qui l'a décidé, alors qu'en réalité, il est manipulé, ben nécessairement, on pourra lui dire que c'est de sa faute. Et au lieu de travailler énergétiquement pour évoluer dans une conscience qui comprendrait les choses, ben il brûle cette énergie pour continuer à brailler sur son sort. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être manipulé? Tu peux être en plein désert et te sentir coupable. Tu peux te sentir coupable d'écraser une fourmi, tu peux te sentir coupable d'avoir trop bu d'eau, tu peux te sentir coupable d'un paquet de choses. Ça ne dépend pas du nombre d'humains, ça dépend de deux choses. Il faut que l'animal ou que l'homme ou que l'être ait une âme, et il faut que cette âme baigne et soit en contact avec le monde, avec un monde de la mort, un monde de mémoire dans lequel va à un moment donné naître différentes divinités, différentes hiérarchies manipulatrices de l'homme, des nationalités, des religions, des morales, des sectes, des ordres familiaux, des ordres de gangs, de groupes, et évidemment tout ce qui fait partie de la conscience théologique qui a été mémorisée par l'homme dans ce monde de la mort. Regardons la culpabilité sur différentes facettes. On a la personne qui se sent coupable d'avoir été aperçue nue. On a la personne qui se sent coupable de ne pas être capable de se montrer nue. Alors, on a donc le même phénomène avec deux culpabilités antagonistes qui pourront manipuler deux individus de deux façons différentes. On a la personne qui se sentira coupable de ne pas être un bon parent. On aura l'enfant qui pourra se sentir coupable de ne pas être un bon enfant. On aura les parents qui se sentiront coupables de ne pas être à la hauteur ou d'avoir engendré un enfant qui n'est pas à la hauteur. On aura celui qui se sent coupable de temps en temps de devoir défoncer certaines limites légales. La personne qui brûle un feu rouge parce qu'elle va conduire quelqu'un à l'hôpital. Même si elle fait attention, il y a toujours un stress angoissant qui s'additionne à chaque feu rouge ou à chaque arrêt qu'elle aura sauté. Il y a la personne qui se sent coupable parce qu'elle n'a pas l'emploi désiré ou parce qu'elle n'a pas su satisfaire aux besoins sociaux. Il y a la personne qui se sent coupable de s'ennuyer. Il y a la personne qui se sent coupable de ne pas avoir été à l'église ou d'avoir renié un jour son Dieu. Il y a celle qui se sent coupable de ne pas être capable de le renier. Il y a la culpabilité au niveau de l'embonpoint. Je suis gros, je suis grosse. Je me sens coupable. Je ne peux pas m'empêcher de manger. Bref, que l'humain est manipulé. Mais vu que l'humain pense que c'est lui qui décide, ben évidemment, il se sent coupable. Il y a celui qui se sent coupable de vivre. Il y a la culpabilité au niveau des maladies. On est malade, alors on peut se sentir coupable. L'autre est malade, on peut se sentir coupable. Il y a la culpabilité qui, lentement, finit par supporter la haine. On aimait quelqu'un, il y a des chicanes, les personnes se sentent coupables. Se sentent coupables les deux. À un moment donné, l'une des deux s'en va et on se sent coupable, même si on haït l'autre. Et il y a tout donc un paquet de points où l'humain se sent coupable continuellement. Et la grande majorité des phénomènes de culpabilité vont avoir trait à deux choses. Soit au mécanisme théologique, divin, soit au mécanisme collectif social. La grande majorité. C'est évident que, étant donné que la société, que la théologie, c'est-à-dire que l'égrégore massif astral dans lequel l'être humain va être baptisé à sa naissance, de façon à ce que par le nom, il soit nécessairement relié à cet égrégore qui le manipulera le restant de ses jours, cette théologie manipule l'individu parce qu'elle ne veut pas que l'individu arrive un jour à comprendre des choses et puisse s'affranchir de techniques. La religion est une technique. Hein? La religion provient du mot « relier », qui est une technique permettant à l'homme de se relier à son esprit ou à une divinité quelconque. Alors, lorsque l'être humain n'a plus besoin de la technique parce qu'il est maintenant relié, lorsque tu es relié, tu n'as plus besoin d'être de la technique. Hein? Lorsque vous êtes guéri d'une maladie, vous ne prenez plus le médicament. Sauf si le médicament vous oblige, comme certains médicaments le font, il y a des médicaments extrêmement intéressants qui te sauvent la vie. Et une fois que tu es guéri, si tu cesses d'en prendre, tu meurs parce que tu en as un besoin vital. C'est un médicament qui ressemble à une drogue. La théologie est souvent une drogue. Tu es perdu, elle te sauve, mais par la suite, elle te conserve. Si tu veux la quitter, normalement, tu devrais mourir. C'est du moins ce qu'elle enseigne à l'homme. Je ne parle pas nécessairement du catholicisme, je parle de toutes les formes de théologie. Lorsque la théologie antique a instauré les gouvernements, c'est-à-dire qu'elle a réussi à un moment donné à assimiler les gouvernements, le pape nommait le roi, bon, et on avait, on parle du pape et du roi, mais on avait aussi certains califes qui étaient nommés par d'autres personnes hautement théologiques. On a toujours eu le sorcier qui nommait et qui assistait à la nomination des chefs, de quelles que soient les formes de société, de civilisation. Alors, lentement, ce phénomène de la culpabilité a été instauré et instruit aux gouvernants. Et étant donné que les gouvernants antiquement théologiens étaient souvent les chefs sociaux aussi, lorsque l'on mélangeait la théologie et la politique, on avait des sociétés extrêmement dangereuses et nécessairement, on manipulait par la culpabilité. Étant donné que la psychologie amique, que la psychologie de l'homme peut supporter une quantité limitée de culpabilité, la culpabilité est un peu comme un ulcère d'estomac. C'est un ulcère de l'âme, la culpabilité. L'estomac, c'est une espèce d'enveloppe, un sac, qui est recouvert d'une espèce de graisse qui est sécrétée par l'estomac. Cette graisse permet à l'estomac de ne pas se digérer elle-même. Parce qu'effectivement, si on mange l'estomac de quelqu'un ou d'un animal, on va le digérer. Alors, comment l'estomac fait-elle pour ne pas se digérer elle-même? Elle est recouverte de graisse. Lorsque l'être humain, soit parce que sa psychologie puise trop d'énergie vitale au niveau du système digestif, lentement, ce gras ne pourra plus avoir la même consistance et les acides gastriques pourront finalement attaquer la paroi de l'estomac et commencer à digérer l'estomac. C'est un ulcère. On parle d'ulcère d'estomac. Normalement, c'est au niveau du duodénum, mais c'est le même phénomène. Au niveau de l'âme, c'est la même chose. L'être humain a besoin d'énergie pour pouvoir assimiler son expérience, pour pouvoir assimiler le changement, les choses neuves. Bon. Pour pouvoir assimiler cela, l'être humain a besoin d'énergie. Mais il vient un temps où, par la culpabilité, cette énergie va servir à digérer la partie même de l'âme. C'est-à-dire qu'après un laps de temps, si l'être humain se sent trop coupable, continuellement il se sent coupable, il va finir par avoir une désharmonie complète qui va évidemment dégénérer cartésiennement ou scientifiquement en problèmes psychologiques ou psychiatriques. Autodestruction. C'est une autodestruction de l'âme. Qui est normalement géré par les mécanismes culpabilisateurs qui vont être théologiques ou sociaux dans la grosse partie des cas. Parce qu'il faut comprendre que l'adulte culpabilise les enfants parce que la société le culpabilise et parce que la théologie, les dieux le culpabilisent. Donc, nécessairement, vivant dans un contexte culpabilisateur, il induit la même chose, ce que l'homme a déjà été un enfant et on dit que l'enfant copie, l'homme copie aussi. Alors, étant donné que le monde a toujours été comme ça pour lui, il ne voit pas de raison intelligente de changer, alors il fait la même chose. La culpabilité, est-ce que c'est un rapport qu'on fait avec quelque chose d'autre, ou une comparaison, ou c'est même quoi? Même pas. C'est quoi la culpabilité? C'est encore plus chien que ça. Lorsque, juste pour revenir à cette dose que peut supporter l'âme au niveau de la culpabilité, certains vont dire, on peut se culpabiliser, non. La théologie, sachant très bien qu'à un moment donné, l'être humain arrive à une limite de culpabilité, elle instaurait le pardon. C'est-à-dire qu'elle instaurait l'idée de ceci, la confession. Tu devrais te sentir coupable d'avoir fait tel acte. Mais si tu viens me rencontrer, je te pardonnerai au nom de Dieu. Alors, pourquoi la théologie veut-elle que l'homme se sente coupable alors qu'en même temps, elle permet un processus pour qu'il se déculpabilise? Lorsque la confesse a été instaurée, c'est absolument génial parce que ça a éliminé une grande partie des suicides. Ça a aussi éliminé le fait que beaucoup d'humains finissaient par devenir athées. Lorsque le poids est trop grand, tu finis par te dire, bon, ben cette maudite merde qui me colle au cul, hein, je la mets à côté et je l'oublie. Lorsque tu ne peux pas le dire parce que tu es juste suffisamment bien paramétré pour te sentir coupable de pouvoir parler contre la culpabilité, ben, tu vas voir quelqu'un, un maître, un gourou, hein, quelque chose comme ça, où tu vas sacrifier une partie de l'énergie de ton corps, c'est-à-dire que l'être humain va se dire que je me serai pardonné lorsque j'aurai accompli telle ou telle chose. Il y a beaucoup d'individus qui, à un moment donné, vont perdre un enfant. Ils sont convaincus que c'est de leur faute, alors ils vont en adopter un, ou ils vont faire du bénévolat, ou ils vont faire quelque chose pour essayer de s'auto-pardonner, de se libérer de la culpabilité. Bon, alors on a des personnes qui vont monter des marches à genoux, on a des personnes qui vont faire de grands pèlerinages, et je ne parle toujours pas que de l'Église catholique, je parle des théologies. Alors, il y a des personnes qui vont faire des grands pèlerinages pour se faire pardonner. On a aux Indes, on a un fleuve assez intéressant, un fleuve qui, jadis, peut-être fut bleu ou vert, qui présentement est brun ou noir. Et on a des personnes qui, quotidiennement, vont faire des ablutions dans l'eau pour se purifier. Ils se déculpabilisent en allant se laver, même dans les huiles et dans les égouts de New Delhi ou de certaines autres villes de la place, et ils ont convaincu qu'il fait un karma, c'est-à-dire qu'il se libère, donc il se déculpabilise. Alors, il y a plusieurs phénomènes comme ça. Tu fais la confession tous les jours, donc tu peux faire quelque chose, et si tu t'en repens, on te pardonne, et tu peux recommencer le lendemain, revenir à l'église. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais pas encore tout à fait compris le principe du péché, alors et on devait aller à la confession une fois par semaine, ce qui fait que je m'inventais des péchés, pour aller me faire pardonner. Parce qu'il arrivait devant le prêtre et lui dire que j'avais rien de fait de mal, ben le prêtre m'expliquait que je devrais me sentir honteux de dire ça parce que la perfection n'était pas du domaine de l'homme, et etc. Alors, j'arrivais avec, j'ai compté 72 menteries, j'ai fait 44 fois, j'ai triché aux cartes, j'avais des chiffres comme ça, puis je tenais des choses. Et puis, en sortant, je me sentais pas libéré, je me sentais comique. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain est donc carrément assujetti à cette mécanicité où il doit avoir honte et où, si ce n'est pas la honte, il doit au minimum se repentir d'un acte. Et s'il ne se repent pas, il doit de toute façon se sentir coupable. C'est-à-dire que, un peu comme si Dieu tenait absolument à se venger, ou si les prêtres tiennent à se venger, ou si les sociétés tiennent à se venger, mais parce que tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un ou à un concept, tu devras porter en toi une énergie qui va comme un ver te gruger lentement. Alors, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens coupable à un moment donné. Il n'y a rien. Tu t'en vas avec ton automobile, tu vas à la bonne vitesse, tu conduis convenablement et à un moment donné, il y a une autopatrouille de la Sûreté du Québec qui sort en arrière et qui te tient un bout de temps. La majorité des chauffeurs ou des chauffeuses vont avoir des problèmes de culpabilité instantanément. Puis quand le taux finit par s'en aller, on sent mieux. On n'a rien fait, mais on se sent coupable. Et à un moment donné, la personne va dire, oui, mais là, tu sais, pourquoi? Mais non, le petit ver, il est là, et il s'amuse à gruger et à gronger, tu sais, à ronger les choses dans l'homme. Alors, quand je parle que la culpabilité, il y a des mots puissants qu'on peut employer, n'est-ce pas, c'est une vraie merde, ben, effectivement, c'est quelque chose qui tue l'homme, qui le rend, qui lui donne une mauvaise odeur, qui le démolit, qui l'empêche carrément de vivre une évolution, sinon sans souffrance, avec quand même un minimum de souffrance. Et cette culpabilité, elle est assujettie, elle est collée, elle est imbriquée à une mécanicité qui a été donnée à l'homme en même temps que la culpabilité, parce que vous ne pouvez pas vous sentir coupable si vous êtes convaincu que ce n'est pas vous qui l'avez fait. Alors que lorsque tu brises une vitre, je ne me sens pas coupable. Sauf, évidemment, si je suis collectivement sujetti à toi, on fait partie du même club, tu brises une vitre, je me sens coupable. Parce que tu portes une atteinte au nom de notre club. C'est ça, la conscience collective. On fait partie des lions, toi et deux, puis tu la nuit, tu te promènes, puis tu mets des clous de 4 pouces après les pneus des automobiles stationnés pour être sûr que ceux qui s'y avancent circulent, ils crèvent leurs 4 roues. Ben, moi, je me sens, j'ai l'impression que mon groupe est attaqué par toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On te met dehors. En te mettant dehors, on te culpabilise, on fait ceci, on fait cela, parce que nous, on se sentait coupables. Alors, il y a donc plusieurs choses. L'être humain qui n'a pas l'impression, l'être humain qui a la certitude que ce n'est pas lui qui a fait telle chose, ne peut pas se sentir coupable de cet acte-là s'il n'est pas collectivement relié à la chose ou à celui qui a fait l'acte. La collectivité est perçue comme quelqu'un qui a l'autorité, finalement. Et tout le monde est coupable, sauf la collectivité. Mais c'est qui la collectivité? C'est qu'il n'y a personne de coupable, mais il y a tout le monde qui se sent coupable. On a un navire canadien, un navire militaire, un croiseur de guerre, un navire de guerre, qui dirige vers les îles Aléoutiennes, et puis qui, à un moment donné, ouvre le feu de tous ses canons. Il s'est trompé d'île, il s'en allait tirer sur une île quelque part pour faire des entraînements, un entraînement militaire, et puis il massacre 2 000 à 3 000 civils et quelques militaires qui sont sur l'île. Alors, évidemment, tout le Canada se sent atteint par cette chose. Pourtant, tous ceux qui se sentent atteints, c'est ceux qui ne l'ont pas fait. On a, à un moment donné, un bateau américain qui se promène quelque part et il y a une torpille d'un pays quelconque qui coule le bateau. Toutes les États-Unis d'Amérique se sentent touchés. Pourtant, c'est pas eux qui ont été touchés. Il y a des raisons intelligentes d'agir militairement, d'agir politiquement, d'agir pédagogiquement, d'agir socialement. Mais normalement, l'être humain agit parce qu'il est collectivement relié. Et souvent, on va être manipulé par ce phénomène de la culpabilité. Juste un point clé qui ne pourra pas être saisi immédiatement parce que c'est ça qui est le problème. J'ai expliqué souvent que l'homme pensait qu'il pensait. Les preuves matérielles que l'homme ne pense pas, mais qu'on le manipule dans sa tête à penser, que l'homme ne contrôle pas sa pensée, c'est que l'homme ne peut pas s'empêcher de penser. Lorsqu'il veut dormir, ça pense dans sa tête, il ne peut rien y faire. Lorsqu'il a peur, il a peur, et même s'il veut ne pas avoir peur, ben il a peur quand même. Lorsqu'il est colérique et qu'il fait des choses qu'il ne peut pas contrôler, ben c'est la preuve que c'est pas lui qui le fait. Lorsqu'il revient pour dire que ses gestes, ses mots ont dépassé sa pensée, c'est la preuve qu'il n'était pas là pendant que quelqu'un d'autre ou que quelque chose d'autre agissait par son intermédiaire. Puis lorsqu'il revient, voyant ce qui se passe, puis voyant que tout le monde le regarde, il est convaincu que c'est lui qui l'a fait. Étant donné que l'être humain, souvent, a tellement bien été instruit que la pensée était la chose sine qua non de base qui permettait à l'être humain d'être un être humain, d'être un être presque divin, d'être quelque chose d'autre que du rat ou de la mangouste, d'autre chose qu'un animal, l'être humain qui avait de l'orgueil et de l'ego, ben lorsqu'on lui a dit que tu es différent de tout le monde, tu es différent pas de tout le monde, mais cette race, ce peuple, élu, évidemment, il fallait qu'il soit élu. Par qui? Mais par l'homme, c'est sûr. Ce peuple élu est différent de tout ce qui marche à quatre pattes, de tout ce qui nage dans l'eau et de tout ce qui vole dans l'air, parce que il a la pensée. Alors, pensez bien que l'être humain, pensant à penser, et étant orgueilleux de savoir qu'il était différent et supérieur, parce que si on aurait dit à l'homme que c'est par la pensée qu'il est inférieur, l'homme n'aurait pas pensé. Mais étant donné qu'on lui a dit que c'est par la pensée qu'il était supérieur, l'homme s'est mis à exprimer de la pensée, et exprimant de la pensée, il était convaincu que c'est lui qui pensait. Exactement comme lorsque vous pétez. Lorsque vous pétez, est-ce que c'est vous qui pétez? Non, c'est pas vous qui pétez. C'est des gaz intestinaux qui doivent sortir. Et l'intestin fait-il partie des neurones du cerveau de l'homme? De l'esthétique et psychologique de l'homme? Ben, l'estomac digère, il y a des choses qui fermentent à un moment donné, et puis ça sort par en haut, par en bas, mais ça sort quelque part. Alors, l'être humain pète et s'excuse. Hey, tu sais, comment c'est rendu, c'est intéressant, la culpabilité. À un moment donné, on éternue, puis on s'excuse. Ben oui, essaye de pas éternuer. Étouffe-toi avec de l'eau, là, puis tousse pas. Il y a juste les noyés qui réussissent à le faire. Alors, l'être humain s'excuse. Puis tout le monde se sent mal autour. Tu manges du spaghetti, puis schnouf, un morceau qui revole. Moi, je mange avec une cuillère. C'est plus sociable. Mais il y en a qui se risquent sans cuillère, puis en font voler partout. Lorsque l'être humain a... Il y a l'être humain qui a un paquet de problèmes. On a eu un temps où on va rire un peu parce que la majorité ne le vivent plus, parce qu'ils ont transformé leur culpabilité en d'autres choses. Mais on a eu un temps où, lorsqu'on avait un enfant handicapé, on s'excusait à chaque fois que quelqu'un le voyait. Aujourd'hui, on ne s'excuse plus pour un enfant handicapé. On s'excuse que quelqu'un rentre chez nous. C'est des ordres. On s'excuse que la vaisselle n'est pas faite. Car l'autre s'en fout. On s'excuse qu'il y a ceci, qu'il y a cela, qu'il y a cela. On s'excuse dans notre tour qu'il se passe ceci, qu'il se passe cela. Puis on passe notre temps à s'excuser. Puis, excusez-moi, c'est encore de l'orgueil de l'homme. Pardon. On ne demande pas pardon à l'autre. On l'oblige. Puis l'autre n'a même pas à nous pardonner. Celui qui pète, il a l'air tellement aussi sale que celui qui pète pas. Mais il y en a un qui le sait, puis l'autre qui le sait pas. Mais l'être humain se sent quand même coupable. Oh, certains disent de temps en temps que Daniel Thème, il est vulgaire. Oui, c'est ça la culpabilité. Qu'est-ce qu'il y a de vulgaire de parler de choses qui sont là et qui, de toute façon, conditionnent votre santé et votre vie? Il y a déjà quelqu'un ici au Québec qui a fait un monologue sur le trou de cul. Éliminez-moi. Éliminez le trou de cul. Et vous verrez ce qui va se passer dans le corps physique, dans votre tête, dans votre ego, dans vos affaires. Bon. Alors, effectivement, ce n'est pas des mots vulgaires. On parle de certaines choses. Celui qui trouve que c'est vulgaire, c'est celui qui est suffisamment manipulé par la conscience, conscience aveugle d'une forme d'évolution. Oui. C'est comme celui qui doit évoluer, qui doit se laver le noir, la nuit dans le noir, pas de voir. C'est comme ceux... J'ai déjà rencontré une personne qui était extrêmement correcte. Elle avait adopté un enfant, un petit noir. C'était deux personnes relativement problématiques. Et puis un jour, ils se sont dit qu'ils s'en occupaient très, très bien. Même qu'ils n'ont jamais, jamais lavé le pénis. Ils touchent même pas. Bon, alors, oui, c'est ça. À un moment donné, quand il y aura 3 ou 4 pénis qui vont sortir, il faudra penser à faire quelque chose. La personne, elle se vantait d'être correcte. Elle avait 2-3 livres chez elle, 2-3 bibles, un bottin téléphonique, des choses comme ça. Et puis, elle était pure. Alors, il faut comprendre que l'être humain passe son temps à s'excuser pour des conneries. Et de toute façon, on s'excuse toujours pour une connerie. La seule fois qu'on s'excuse intelligemment, c'est lorsqu'on fait affaire avec un homme ancien ou une femme ancienne qui ne pourrait pas souffrir si celui qui fait quelque chose de normal ne s'excuserait pas. Essayez d'imaginer un peu que lorsqu'un nuage passe devant le soleil, on entend toujours un gros « Excusez! » Il y aurait des mots du problème. Mais c'est exactement ce qui se passe dans le vécu de l'humain. Chaque chose naturelle et normale sont des choses pour lesquelles l'humain essaie de se dire que ça ne devrait pas être. On a un enfant de 3 ans qui, à un moment donné, se met à morver à table ou n'importe où. Puis là, on est tous pognés. Bien, l'enfant va finir par être convaincu que c'est préférable d'avaler que de moucher. Mais il y a plusieurs médecins qui vont vous dire que c'est préférable de moucher que d'avaler. Mais l'enfant apprend tout croche au travers. Et on finit par être un adulte qui va dire « Rah! » C'est pas « Rah! » Mais on finit par être un adulte qui va trouver ça comme ça. La culpabilité, elle apparaît chez l'homme parce que l'être humain est convaincu que c'est lui qui agit. Dans le séminaire sur l'homme nouveau, on passe un grand, grand bout de temps à essayer de faire comprendre à des gens que ce n'est pas eux qui agissent. Ce n'est pas vous qui agissez. Ce n'est pas eux qui agissent. On va expliquer, c'est exactement comme si je prends de l'eau. Disons que moi, je suis la première action universelle, disons. Je prends l'eau, j'en mets un peu sur la table. Alors, il y a quelqu'un qui fait le ménage, qui vient et qui essuie l'eau. Je lui dis... Je t'ai manipulé. Il va dire, non, c'est moi qui ai décidé de venir essuyer l'eau. Alors, je peux lui dire, s'il n'y aurait pas eu d'eau, serais-tu venu? Il va dire, non, je prends un cave. Ça. Et ça vient de tout expliquer la preuve que l'homme réagit, mais l'homme n'agit pas. Et n'agissant pas, il ne peut pas être tenu comme coupable de ce qui va se passer. L'homme est responsable ou du point de vue de l'homme, c'est-à-dire que c'est lui qui aura payé karmiquement ou socialement ou punitivement ou ce que vous voudrez, le poids des actes qui seront faits par son intermédiaire. Il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et lorsque je dis que l'homme ne sait pas ce qu'il fait, certains me disent, voyons là, je sais ce que je fais. Il y en a beaucoup qui pensent savoir ce qu'ils font. Savez-vous qu'il y en a qui pensent savoir, mais qui ne savent pas ce qu'ils font? Pas ça. Alors, Y197 qui s'est de pouvoir sortir. Ce serait peut-être intéressant que cette personne, si elle est ici, qu'elle ait bougé son véhicule. Voilà. Lorsque l'homme me dit qu'il sait ce qu'il fait, prenons l'exemple de n'importe quelle particularité dans votre vie. Vous vous levez un matin pour aller travailler. Ce n'est pas une décision de votre part. Un jour, vous êtes trop fatigué, vous voulez pas aller travailler. Ce n'est pas une décision de votre part. Vous allez dire, oui, mais ça ne me tente pas. Exactement. Ça ne vous tente pas. Pouvez-vous vous tenter? Non. Pouvez-vous décider que ça vous tente? Non. Vous pouvez vous mobiliser, mettre de l'énergie, y aller, même si ça ne vous tente pas. Mais vous n'avez rien changé à l'état psychologique. Et pourquoi on met de l'énergie quand on décide d'y aller, on va dire c'est une décision qu'on prend? Non. Il y a un paquet de raisons qui vont vous forcer à mettre cette énergie. Mais ce n'est encore pas une décision que l'homme prend. L'homme décide un jour de s'en aller en médecine. S'il n'irait pas de malade, il n'irait pas en médecine. On va dire c'est évident. Il est donc manipulé. Il est réactionnaire. L'homme décide d'aller dans telle ou telle branche. L'homme décide un jour de se marier. Il est hormonalement pris, il est psychologiquement insécure, il est peut-être émotivement attiré, il est peut-être intelligemment, il voit l'intelligence d'une chose, mais il reste manipulé. C'est-à-dire que l'être humain est réactionnel. Nommez, essayez, et ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui ne veulent pas comprendre, vous pourrez, pendant la période de questions, n'est-ce pas, réagir à ce que je dis, et prouvant donc que j'ai raison, et écrire sur le papier que vous êtes contre ce que je dis. Alors, ou bien vous ne le faites pas parce que vous dites que ça ne va rien servir, preuve que vous réagissez, ou bien vous le faites, preuve que vous réagissez aussi, ou bien vous partez, preuve que vous réagissez, ou bien vous restez, preuve que vous réagissez. Mais faites n'importe quoi sera une réaction qui est événementielle, écologique, à travers votre plan d'évolution. L'homme décide qu'il prend cet autobus-là. C'est parce que l'autobus est là, parce que sinon il ne prendrait pas l'autobus qui est là. Bon. L'homme aussi va le prendre parce qu'il y a une raison d'aller quelque part. Cette raison-là, il ne l'a pas intentionnalisé nécessairement. L'être humain, et ça, essayez de partir, de trouver quelque chose dans vos vies qui part à zéro, qui est une action pure. Vous ne pourrez pas, mais vous pouvez penser que vous êtes Dieu. Donne-moi des actions, je vous demande de... Reviens. Je réagis à quoi, à ce moment-là? Simplement, c'est que ton âme, ta psychologie est connectée, premièrement, à tes mémoires expérientielles qui cheminent régulièrement dans donc, ton ego. Donc, des choses inconscientes. Bon, c'est inconscient tant que tu n'es pas conscient jusque de ces choses-là. Exactement. Oui. Puis, à un moment donné, tu peux être lié au monde de la mort, donc au plan astral, c'est-à-dire au ciel, à ce monde expérientiel planétaire. Et une idée m'est venue. Oui, c'est ça. Tu n'as pas décidé l'idée. Donc, en partant, avec la manière que tu te prononces, c'est déjà ridicule. J'ai inventé une idée. On dit pas ça souvent, hein? J'ai eu une idée. Ah, t'as eu! T'sais, oui, t'as eu une chance, hein? T'as eu une idée. Faut pas toi qui l'as décidé. Il y a une chose, par exemple, que je me rends compte, c'est qu'on n'a pas un vocabulaire suffisamment perfectionné pour pouvoir dire débrancher quelque chose. Mais tu peux pas avoir un vocabulaire suffisamment perfectionné pour la simple raison que le vocabulaire détermine toujours le fait que tu es manipulé. Tu peux pas être suffisamment perfectionné pour prouver que tu n'es pas manipulé parce que tu es manipulé. À quoi ça sert, la culpabilité? Ça sert à la culpabilité à empêcher l'homme de se rendre compte de ce qu'il est et à l'obliger à continuer à penser qu'il est ce qu'il n'est pas. La culpabilité, ça sert à restreindre l'homme dans sa pensée. Chaque fois qu'un être humain, à un moment donné, pense de travers, de travers, comme si tu peux penser de travers. Montre-moi c'est quoi penser de rêve. Mais pour les Soviétiques, c'était l'affaire. Pour tel parent, c'était l'affaire. Pour les ceci, c'est cela. Mais penser droit, c'est quoi? Bien, c'est différent de penser de travers, mais les deux n'existent pas. L'être humain qui veut dire moi, j'agis, je suis un créateur, je fais une peinture. Oui, mais s'il n'y a pas de peinture, si tu n'as pas appris à peinturer, si tu n'as pas eu en mémoire, s'il n'y a pas les choses à peindre, tu ne peins pas. L'humain va dire, oui, mais là, c'est jouer avec les mots, ce n'est pas jouer avec les mots, c'est un fait extrêmement important parce que si vous ne comprenez pas, c'est évident que là, j'ôte un ensemble d'échafauds à beaucoup de psychologie qui vont dire, ouais, mais si on pense pas, qu'est-ce qu'on fout? À quoi ça nous sert d'être là? Il n'y a plus rien. Je me couche, c'est réactionnel, c'est un fait, tu te couches parce que tu es fatigué, ben non, fais d'autres choses. Bon, tu manges, je décide que je mange, c'est faux, tu manges pour te nourrir, tu manges parce que tu as faim, ou tu manges parce que ta psychologie veut bouffer de cette cochonnerie-là. Bon, mais ce n'est pas intentionnel chez l'homme. Je suis un régime, c'est moi qui l'ai décidé. C'est faux. Tu suis un régime parce que tu n'es pas maigre. Tu suis un régime pour te remettre en santé. Tu suis un régime parce que tu as appris que les régimes existaient. Tu suis un régime et on peut en trouver plein de raisons. Maintenant, c'est correct d'être réactionnel. Sauf que l'être humain a la faculté, on va revenir à cette faculté, de se relier à un savoir instantané qui va lui permettre de rendre intelligent même les réactions qu'il va faire, plutôt que d'essayer de réagir en continuant à s'illusionner que c'est lui qui agit, étant donné que c'est lui qui continue à penser qu'il agit et qu'il n'a pas d'autre choix que de réagir à ce qui est là, bien, vu évidemment, s'il pense qu'il est lui qui agit, puis que son action donne le résultat qu'il doit donner, puis que par rapport au concept qu'il a de ce que ça devrait donner comme résultat, il y a un problème entre la réalité et ce qu'il vit, bien, nécessairement, il se sentira coupable d'avoir fait tel ou tel acte. Ou bien, il fera l'inverse, il se sentira flatté d'avoir réussi, alors qu'il n'y est pour rien dans cette réussite. Ce que je comprends pas, c'est comment qu'on fait, si c'est nous qui pensons pas, comment qu'on fait pour réagir? C'est nous qui pensons pas, c'est pas pire. Si on pense pas, comment qu'on fait pour réagir? Voilà, comment on fait pour réagir? Il y a chez l'homme une mécanicité amique, l'âme, qui a de l'ego dedans. Cet ego, c'est l'agglomération continuelle des mémoires expérientielles de l'homme. Celui qui vit continuellement dans une ferme, ben, il y a un ego de fermier. Celui qui va parler comme un fermier, penser comme un fermier, et puis ça ne le dérangera pas de parler de crotte. Bon, d'ailleurs, il s'en sert même, fait pousser des plantes. Si tu as, tu vis dans un endroit expérientiel de médecin, ben, tu finiras par penser médecin, parler médecin, faire ce genre de choses. Si tu viens au monde sur un voilier, puis tu passes la jeunesse sur un voilier, ben, tu sauras ce que c'est qu'un corridor de voile, tu sauras ce que c'est qu'une drisse, tu sauras ce que c'est qu'une écoute, tu sauras ce que c'est que toutes ces choses-là, et puis ça fera partie de toi. Bon, tu auras même la forme là, qui se met en face d'un marin. Bon. Si l'être humain vit ce genre de choses, à un moment donné, il a une programmation. L'ego se prend au sérieux dans ce monde d'illusions. C'est-à-dire que l'ego, ce n'est que l'agglomération couche sur couche, strate sur strate, de la mémoire expérientielle qui nourrit l'être humain de sa naissance, aller jusqu'au moment donné où on parle de lui. Bon. Cette mémoire, elle accumule des choses et elle continue à accumuler de la mémoire, ce qui fait que cette mémoire devient la première prémisse de la pensée. Tu penses penser pour la simple raison que laissant une trace de ce que tu es mémoriellement dans ce qu'on peut appeler l'âme, qui est paramétrée par de l'énergie vitale, le périsprit ou les séraphins, ben la personne voit ce qu'elle laisse, ce qu'on appelle réfléchir, elle réfléchit ce qu'elle est, et réfléchissant, ben elle dit ce qu'elle pense. C'est pas ça qu'elle pense. C'est un peu comme si le corps physique, lorsqu'il était tempé dans un banc de neige, sortirait et dirait « c'est ce que je pense ». Il va dire « c'est moi ça ». C'est même pas lui, ça. Ça, c'est la forme qu'il a laissée là. C'est la forme que son corps a laissée. Mais lui-même, psychologiquement, est convaincu que c'est lui parce qu'il s'identifie à tous ces mécanismes. Lorsque, à travers cette mécanicité, coule la vie, tu te lèves un matin, tu ouvres ta fenêtre, puis il y a quelqu'un qui te jette avec une paire de jupes de longue vue. T'as l'habitude de pas t'habiller le matin. Ben alors, évidemment, tu décides de fermer le rideau. C'est faux. Tu réagis. Tu réagis à tes mémoires qui trouvent que c'est yark que quelqu'un d'autre te voit. Tu réagis à tes mémoires que tu trouves que la police peut arriver à un moment donné prendre des photos. Tu trouves que c'est yark que c'est peut-être ton boss. Tu trouves que c'est yark pour un paquet de raisons ou simplement tu trouves plus que c'est yark. Tu es tellement conditionné à trouver normal que de ne pas te montrer. C'est normal de ne pas se montrer, n'est-ce pas? La preuve, on vient au monde habillé. Bon, c'est normal de ne pas se montrer. C'est évident, c'est normal. Puis quand ils font des opérations, ils nous ont fait à travers la linge. C'est normal. C'est normal. C'est évident. Bon, il y en a beaucoup qui vont se baigner habillés, mais qui prennent une douche déshabillée. Pourtant, c'est de l'eau, d'un bord puis de l'autre. Bon. Puis il y en a même qui ne veulent pas se faire voir et qui se payent le truc, ça peut être des miroirs. Bon. Comme ça, au moins, pour se voir eux autres. J'ai l'impression d'être... Bon, il y a quand même 10 dans la chambre de bain. Bon. Lorsque l'être humain pense, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'à travers, il y a beaucoup de mécanismes qu'on va sauter, sur lesquels on va sauter, qu'on vient souvent en conférence, en séminaire, mais c'est extrêmement long de pouvoir le paramétrer au complet. Alors, il y a l'âme vibre, c'est une vibration, qui transmet sa vibration à l'enveloppe vitale du périsprit, qui, lui, est constitué par l'énergie intra-atomique des molécules du corps et évidemment du cerveau, et cela va engendrer des perturbations atomiques au niveau des neurones, qui va faire en sorte que certains neurones, plutôt que d'autres, vont émettre une dépolarisation, et c'est la pensée cérébrale dans le corps de l'homme. Mais le corps de l'homme, ayant cette pensée cérébrale, l'exprime soit endocrinalement par des hormones, soit dans une gestuelle. L'expression, la création. Parce qu'on sait que l'âme, l'ego, a deux fonctions majeures. Celle de s'exprimer pour pouvoir continuer à se rendre compte qu'il est là, qu'il vit, qu'il existe. Et celle de se nourrir pour ne pas finir par perdre ce que les soutient, les mémoires. On doit nourrir les mémoires parce que le temps les emprunte. Bon. Alors, la personne qui découvre soudainement qu'elle exprime, elle est convaincue que c'est elle qui fait cette chose. Pourquoi? Parce que, à travers tout un immense processus de quelque chose, à un moment donné, dans toute la chaîne énergétique qui constitue l'homme et l'univers, et son plan planétaire d'évolution, dans cette chaîne, il y a l'homme. Étant donné que l'homme a un ego placé là, et qu'il est convaincu que tout ce qui se présente à lui fait partie de son intentionnalité, il ne voit pas tout ce qui l'engendre, lui. Il part l'action à partir de lui. Tout ce qui va découler de ce qu'il va faire, c'est son action à lui. Mais tout ce qui lui a permis de le faire, ça n'existe pas. Ah ouais! À un moment donné, il y a une personne qui s'efforçait de faire comprendre à des gens que ce n'était pas sa volonté, mais celle du Père qu'il faisait. Celle du Père, évidemment, il l'a amélioré un peu, il a raffiné un peu, mais ça dépend à quel genre de peuple il s'adressait avec, parce que c'était adressé à différents peuples. Alors, effectivement, l'être humain va dire, je m'en vais quelque part, là, j'achète cette terre-là, c'est ma terre. Oui, elle est là depuis 3-4 millions d'années, depuis peut-être presque 500 millions d'années, et toi, tu arrives, après 15 ou 20 ans, tu décides que c'est ta terre. Puis elle va rire de toi parce qu'elle va même t'enterrer. Alors, l'être humain ne se rend pas compte qu'il ne fait que passer dans un mécanisme planétaire. Il y a de l'esprit dans l'homme, je ne parle pas de l'esprit dans l'homme, qui rend intelligent sa présence sur la planète. On en a parlé souvent, puis la semaine prochaine, sur les mécanismes du savoir instantané, bien évidemment, on va en reparler. C'est que si on a des béquilles à soi, on va en remettre la semaine prochaine, mais plus brillante. Ce qu'il faut comprendre, ça fait monter les personnes un petit peu dans une marche, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain n'était pas là. Hein? Il fut un temps où vous n'existiez pas, vous n'étiez pas là, capoute. Pendant que vous n'étiez pas là, certains faisaient la guerre, certains faisaient l'amour, certains plantaient, certains tuaient, certains récoltaient, certains bâtissaient, certains détruisaient. Mais à un moment donné, ces personnages-là meurent. Et il y en a d'autres qui naissent pour mourir, qui naissent pour mourir. Alors, à un moment donné, on a une personne qui a de l'ego, qui se dit, c'est moi qui décide les choses. Et c'est... Bon, c'est un Italien qui rentre en France, s'appelle Napoléon, puis à un moment donné, il décide. Il décide qu'à Sainte-Hélène, il va perdre, ouais, mon œil. Il décide que quand les Soviétiques ont des problèmes, non plus. Mais lui, il pense qu'il décide. Mais savez-vous que vous pouvez aller sur la tombe de Napoléon aujourd'hui puis aller verser ce que vous voudrez sur sa tombe? Il ne vous touchera pas puis il ne vous dérangera pas. Pour la simple raison qu'il est ponté, il s'est pris au sérieux, il a cru que, mais il était dans un écosystème complet, il était dans des crises nationales, il était dans un écosystème planétaire, et lui pensait que... C'est un peu comme si chaque fois que tu t'accotes sur un mur, si le mur se pousse en même temps que tu t'accotes, tu te penses fort. C'est moi qui pousse le mur. Criez pas, pousse-le! Ça marche pas, lui, ça cote, le mur se tasse. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tout l'écosystème de la place est en mouvement, puis que lui, ça s'adonne, que manipulé par la conscience collective, il fit dans tout ce qui va se faire. Alors, évidemment, se prenant au sérieux, il pense que c'est lui qui crée l'action, et pensant qu'il crée l'action, bien évidemment, il se prend au sérieux. Ça fait une belle roue énergétique. Lorsque l'être humain naît, il n'était pas là, maintenant il est là. Parce que maintenant il est là, il pense que c'est lui qui va commencer à actionner les choses, à intentionnaliser les choses. Je suis un être pensant. Je pense donc je suis. Je l'ai dit souvent, si vous pensez, c'est que vous n'êtes pas. C'est que vous étiez. Parce que l'être humain ne peut penser que par rapport à ce qu'il a en mémoire. Donc pas par rapport à la réalité. L'être humain vient au monde, il pense qu'il bouge les choses. Il coupe tel arbre. Il fait ceci, il fait cela, il pollue ceci, il dépollue cela. Il se marie, il fait des enfants et il meurt. Il se trouve que il fallait qu'il rencontre une femme pour se marier. Il fallait que les corps physiques des deux puissent procréer. Ce n'est pas lui qui a décidé qu'il était stérile ou pas. Il fallait que la société lui permette cela. Il fallait qu'elle ne soit pas en guerre ou il fallait qu'elle soit ceci. L'être humain grimpe dans une place. Il n'y a plus de job aujourd'hui. Comment ça se fait que tous ceux qui en ont disent « Faut de la volonté pour en trouver une! » Ouais, mais s'il y a 800 000 postes et qu'il y a 1 million de travailleurs, ben il faudra de la volonté en sacrableu. Ça ne marche pas comme ça. Il y en a qui sont manipulés à rester écrasés là, parce que les sociétés ont besoin des assistés sociaux. Les sociétés ont besoin de chômeurs. Parce qu'en cas de guerre majeure, c'est eux autres qui vont sur le front en premier. On dépareille pas la société, on envoie la troupe de réserve qu'on paye, toute le vie durant au cas qu'on aurait besoin d'eux. Si, prenons l'exemple, à Mexico, il y a eu un tremblement de terre à un moment donné. Les médecins ont travaillé, ont fait de l'argent. Hein? Les ingénieurs ont pensé des buildings où ils ont pensé à mettre les tiges de métal du béton armé dedans plutôt qu'à côté, comme ceux qui étaient là, pour ça que ça tombait. Mais c'est qui ramassait les cadavres, qui a ramassé la rue, placé l'asphalte? Ben, c'est ceux qui... c'est la lie de la société. Alors, la société a besoin de ce genre de choses. Et l'humain se dit que moi, je travaille pour le gouvernement fédéral parce que ça me tente. Hein? Je suis sur le bien-être social. C'est faux. C'est le gouvernement qui a décidé. Le gouvernement a besoin d'un certain genre de gens. Étant donné que l'être humain ne veut pas, mais ne veut absolument pas accepter de voir qu'effectivement, il est réactionnel et non pas actionnel, c'est-à-dire qu'il se lève un matin et tout ce qui est déjà en train d'être vécu sur la planète depuis des millions d'années continue à tourner, ça l'entraîne dans des choses, et à un moment donné, lui, il va dire, tiens, c'est pas là que je veux virer, mais il peut pas virer tant qu'il n'y a pas de chemin. Et à un moment donné, il dit, tiens, c'est là, je m'en vais. Oui, oui, c'est beau, mais ça, c'est un chemin qui est prévu aussi. Puis il s'en va là, puis il s'en va là, puis il s'en va là à travers ce qui est déterminé. Vous connaissez un peu la ville de Montréal. Il n'y a plus tellement de métro et d'autobus. Donc, on prend un peu l'auto. Si vous partez d'un point pour aller à un autre point, vous ne prenez pas le chemin que vous voulez. Vous prenez le chemin qu'on vous permet de prendre. Et l'être humain est suffisamment orgueilleux, vous sortez de là. Moi, j'ai choisi telle rue. Ouais, mais pas autant à travers la maison là-bas, là. Tu fous! T'as pas le choix de bord. Si c'est bouché, t'auras beau faire ce que tu voudras, ça sera bouché. Et ouais, mais moi, j'ai pris une idée géniale, j'ai sorti à telle sortie, j'ai pris telle rue, puis c'est ça. T'es sorti là, pourquoi? Parce que la rue était vide, hein? C'est pour ça que t'es sorti là. Si elle était pleine, t'aurais pas sorti. Exactement. L'être humain n'est pas intentionnel. Il est réactionnel. Dans sa réaction, il a l'illusion d'intelligence. Pourquoi je tiens tant à préciser le fait que l'être humain n'a pas de libre arbitre? C'est parce que l'être humain ne peut pas comprendre la culpabilité. S'il continue à penser que c'est lui qui décide. Tu commets un viol ou un meurtre. Alors, évidemment, on t'arrête. Puis là, on te châtie. C'est-à-dire que certains psychologues ont dit à un moment donné qu'étant donné que la société était tellement jalouse de ne pas avoir pu faire ce que le gars a fait, bien, on le maudissait en prison pour se venger de l'avoir fait. T'as violé cette fille-là, si bois de chanceux. Comme je suis jaloux, je te mets en prison, je te traite d'un paquet de saloperies, puis je te condamne à vie. Bon. Comme ça, je ne recommencerai plus. Parce que, tu sais, ou on le fait tout, ou on le fait pas. Bon. La personne, ce qu'il faut comprendre, évidemment, c'est que, pour ne pas se sentir coupable, on place ça sur beaucoup de points, évidemment. Mais si l'être humain viole, c'est parce qu'il est pogné à violer. L'être humain qui va dire, ah bon, ben si c'est pas nous autres, en sortant, m'a violé d'un volet qui. C'est pour moi qui. C'est ça. Sauf que c'est quand même le corps et l'intelligence de l'humain qui est dans le corps qui serait moins en prison parce qu'il est manipulé. Lorsque je parle de la culpabilité, je parle évidemment de ce libre arbitre. Et lorsque je parle du libre arbitre et que je dis à l'homme que l'homme n'est pas coupable de ce qu'il fait parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, mais qu'il est responsable, c'est-à-dire que c'est lui qui devra en répondre, il y a beaucoup d'individus qui ne comprennent pas que l'être humain qui se débarrasse de la culpabilité devient intelligent, pas intellectuant, mais intelligent, c'est-à-dire qu'il est régi par de l'intelligence espritique, par son esprit. Il rentre dans son intelligence, se débarrasse de la culpabilité. Ben, l'être ancien se dit que si tu te sens plus coupable, ne voyant pas l'intelligent, ben, automatiquement, tu vas faire tout ce qui est interdit. Pourquoi tu ne ferais pas tout ce qui est permis? Ben, c'est beau de voir tout croche. L'homme ancien se dit que la culpabilité, c'est bon. Un enfant qui se sent pas coupable de fouiller dans le frigidaire, il fouille dans le frigidaire. C'est un fait. Un enfant qui comprend l'intelligence d'en garder pour demain, il fouille pas lui non plus. Il n'a pas besoin de se sentir coupable. Il a juste besoin de comprendre pourquoi. Simple. Lorsque l'être humain veut continuer à prétendre que c'est lui qui a le libre arbitre, lorsque ceux qui n'ont pas d'autobus décident que c'est eux qui vont décider de faire du pouce, faites du pouce parce qu'il n'y a pas de bosse. La culpabilité, on peut dire que c'est une balise pour intelligencer ou... Non. La culpabilité, c'est un palliatif à l'intelligence. Tu n'es pas intelligent, ouais. Donc quand il y a un fossé, tu te garages dedans, puis tu finis là, puis là, tu te rends compte, tu te casses une jambe. Tu te suicides. tu violes, tu bois, tu manges du bois, tu essayes de voir si tu peux faire un ragoût aux roches. Tu fais un paquet de conneries. Mais à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que, étant donné que tous les égaux qui sont dans ta société veulent faire des choses similaires, puis se heurtent toujours les uns contre les autres, bien, on finit, ça finit par créer suffisamment de mémoire astrale pour commencer à régir les égaux. Alors, les égaux ensemble, comme un accord, vont dire telle chose, si on le fait plus, on règle notre problème. Tout le monde est d'accord. Parfait. À un moment donné, il y en a un qui a fait la chose, j'ai pas compris, lui. Toute la gang vient le lapider, ou vient le culpabiliser, vient le regarder. Et là, la personne, elle est anormale. Si elle est anormale, il faut qu'elle se sente coupable. Si elle se sent coupable, elle va tellement souffrir que même si elle n'a pas l'intelligence pour agir socialement, bien, elle va agir socialement. Pourquoi? Parce qu'elle va être en train de se gruger. Elle va mourir de culpabilité. Si la culpabilité disparaît pour être transcendée, pour être remplacée par l'intelligence, bien, c'est évident que tu ne feras plus ceci parce que c'est stupide de faire ça. Pas parce que tu te sens coupable de le faire. Est-ce que c'est stupide de se baigner, par exemple, habillé? Mais quand ce sera suffisamment stupide pour l'humain, bien nécessairement, il ne se sentira plus coupable de se baigner dévêtu. Mais tant que ça, l'humain ne verra pas l'intelligence de choses normales et naturelles, bien nécessairement, il sera régi par la culpabilité. Et la culpabilité, lorsqu'elle est continuellement enseignée, lorsqu'on s'en sert régulièrement entre nous autres, bien c'est un des plus grands phénomènes d'involution chez l'homme. C'est un frein... finalement, d'intelligence. Mais... Premièrement, c'est un collectivisateur extrêmement puissant. Tout le monde veut que tout le monde grandisse à même vitesse. Il faut grandir en même temps. Puis ce qui est interdit aujourd'hui, comme par exemple aller sur le balcon d'en avant, pas de chemise pour les hommes, bien, étant donné que c'est yark, que Dieu veut pas, que Dieu est frustré, qu'on est malade, que ça se fait pas, que c'est socialement indécent... Bien, évidemment, si quelqu'un le fait, il y a une amende. Puis tous les voisins parlent de lui pour qu'il souffre suffisamment chez lui. Mais à un moment donné, quand il y en a plusieurs qui finissent par voir que c'est stupide, puis que les trois quarts de ta rue sortent en avant, torse nu, s'assoient sur le balcon, bien, lentement, on change la loi, puis on finit par dire que ceux qui chiolent contre ça, bien, c'est des imbéciles, c'est des arriérés. Étant donné que dans 100 ans d'ici, on va avoir tout changé ce qu'on fait présentement, puis que dans 100 ans d'ici, on va se traiter d'arriéré, on peut commencer tout de suite à se traiter d'arriéré. Ça va sauver du temps. Bon. Si on est arriéré maintenant, parce que de toute façon, on va l'être plus tard, autant changer les choses tout de suite. C'est un fait, c'est intelligent. Bon. L'être humain ne peut pas évoluer parce qu'il se sent coupable. La première culpabilité va venir, évidemment, des plans théologiques. Celui qui, à un moment donné, maudit son Dieu. Là, il est convaincu que là, c'est fini. Là. Puis, à un moment donné, il vit une dépression parce que l'astral vient le ramasser suffisamment, puis il s'en va. Puis, soudainement, bien, là, il aura peut-être besoin de son Dieu qui a maudit. La béquille qu'il a besoin. Puis là, il se sent coupable. Puis là, Dieu ne vient pas le répondre. Tout de suite, Dieu le culpabilise. Et qu'est-ce qui va arriver de la culpabilité théologique? Bien, Dieu va venir lui pardonner. C'est la meilleure façon d'acheter quelqu'un. Alors, la personne, donc, rembarque. C'est pourquoi on manipule par la culpabilité. Lorsque l'être humain vit de cette culpabilité, il est continuellement assujetti à demander des permissions à lui, à ses gourous, à ses maîtres, aux autres, à la société, à ses dieux. Mais jamais il ne peut exprimer de son intelligence. Il ne devra toujours qu'exprimer l'intelligence collective des permissions. Comment les individus collectif réussissent à se désassujettir de cette espèce de mécanisme qui semble être bon, tournant en rond. La culpabilité, c'est sûr que c'est un ver qui ronge. C'est une espèce de... C'est pas un cancer de l'âme tout à fait, mais c'est au moins un ulcère de l'âme. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent coupables depuis tellement de temps qu'ils en sont venus à apprivoiser cette culpabilité. C'est-à-dire qu'ils en ont maintenant besoin pour se sécuriser. Tu sais, si tu as passé 10 ans de sentir coupable d'un acte que tu n'avais pas fait, mais que ton corps et que certaines parties de toi avaient apparemment fait, mais après 10 ans, si on te dit de cesser de te culpabiliser, tu vas te dire que tu es un maudit cave, si tu as passé 10 ans de culpabiliser pour rien. Alors tu te dis, je peux pas changer ça de même. Puis je me sens plus coupable, je me sens libre. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, tu te sens coupable d'avoir été à cette maudite conférence-là. que tu recommences à te sentir coupable. Là, au moins, ça te récupère. La culpabilité, c'est extrêmement dangereux et subtil. Chaque fois qu'un humain jette un voile de la culpabilité par terre, il y a un autre morceau qui vient le recouvrir. On a des personnes qui travaillent régulièrement sur eux. On en a qui font... J'ai eu des PE, on a eu des personnes à un moment donné qui s'inscrivaient au PMC, au centre. Et puis un jour, la personne ne vient pas à un cours. Puis de la deuxième semaine, elle ne vient pas non plus. Alors que le téléphone, on veut savoir si elle est morte ou si elle est vivante. Et puis elle nous dit que là, ben, c'est parce qu'elle n'est pas venue au premier. Elle a manqué un cours à un moment donné, parce qu'elle ne tentait vraiment pas. Puis elle se sent tellement coupable qu'elle avait peur qu'on l'engueule quand elle était pour venir. Fait qu'elle avait décidé de plus venir. On l'a engueulée, effectivement. Mais pas parce qu'elle n'était pas venue, parce qu'elle était mauditement manipulée. On lui a dit, tu payes pour suivre ton cours, tu viens quand ça te tente, tu viens pas quand ça te tente pas, puis nous autres, on s'en fout. Si t'es là, les profs s'occupent de toi, si t'es pas là, et on se pose de toi. Alors, il serait peut-être un peu temps que tu prennes ta vie en main, puis que tu décides que quand t'achètes des tickets pour aller voir un match de hockey, ben, si ça te tente pas d'y aller, tu vas pas à l'église te faire confesser. Tu prends ton billet, tu le donnes, tu le jettes, tu le gardes en souvenir. Puis le Canadien ou les Nordiques, ils te détesteront pas plus. La personne, OK, elle est revenue, puis elle avait encore de la difficulté. Toutes les fois qu'il se passait quelque chose, elle se sentait coupable. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent coupables pour rien. D'ailleurs, tout le monde se sent coupable pour rien, là. Mais il y en a qui se sentent coupables pour des pécadilles, pour quasiment, pour vraiment, pour absolument rien au niveau énergétique. Alors, chaque personne qui se sent coupable, il y a des étapes pour se libérer de la culpabilité. La première étape, c'est évidemment d'accepter d'en parler. Pourquoi? Parce que si on y pense, étant donné qu'on est manipulé par la pensée beaucoup plus que par la parole, ben si on y pense, on continue à se faire ramasser. Donc, on en parle. Parlez-en pas à quelqu'un qui fait partie des instructeurs de la culpabilité. Ben, allez pas voir une maîtresse ou un professeur là, qui est tout organisé avec sa baguette et tout ça qui vous attend. Allez pas voir un prêtre qui va vous dire qu'effectivement, vous devriez avoir honte de ne pas avoir honte. Bon, allez pas voir des personnes qui sont réellement incrustées dans l'idée qu'on ne peut manipuler l'homme qu'en le culpabilisant. Si l'homme ne dit pas à l'homme ce qui est bon, comment voulez-vous que l'homme le sache? Il y en a plein qui marchent de même. Mais le problème, c'est que c'est l'homme qui dit à l'homme ce qui est bon. Parce que si l'homme ne le dit pas à l'homme, l'homme, il ne sait pas ce qui est bon. Mais qui c'est qui le dit à lui? C'est lui qui l'a décidé. Puis il a décidé à travers des milliers d'années. Puis à travers des milliers d'années, il s'est créé une théologie puis une morale. Puis cette morale théologique ou cette théologie morale finit par avoir l'apparence de vérité pour ces humains-là. Et parce que c'est traditionnel, parce que v'là 2000 ans, v'là 3000 ans, v'là 4000 ans, v'là 5000 ans, v'là 500 ans, c'est de même que ça marchait. Mais on doit continuer à vénérer ce qui s'est passé dans le passé, ce qu'on appelle les choses sacrées, et on doit continuer à rester paramétré par l'ignorance de nos ancêtres. Quand tu dis on doit en parler, mais à qui, justement, à qui? Combien de gens souvent se disent « j'aurais pas dû en parler, maudite merde ». T'en parles à ton chien. C'est l'un des rares animaux qui n'ira pas compter aux autres et qui ne vous reviendra pas en vous renotant tout ce que vous y avez dit à un moment donné. Un chat, ça peut faire aussi. Un chat, ça peut faire, mais il faut que tu le suives. Bon. Ouais, le chien reste assis, mais le chat, il n'a rien à savoir. Bon. Donc, il faut s'entendre. Parce qu'on ne se parle pas tout seul. On parle à notre égo. On ne se parle jamais tout seul. On se parle à soi. C'est très, très, très, très différent. Hey, tu parles tout seul, le câble? Non, je me parle à moi. Il y a bien qui ne voient pas la différence là-dedans. Mais on a un plan mental, on a un plan astral, on a de l'ego, on a de l'âme, on a un plan psychologique, puis on a un plan d'intellectualisation. On a aussi deux hémisphères cérébraux qui permettent des légiférations différentes. Puis au niveau du corps calleux, c'est là que la réflexion psychologique apparaît. Bien, à un moment donné, on a une autre voix qui nous parle, pour pouvoir s'astiler. Mais on peut aussi parler à soi, et pas ping-pong penser. C'est quoi la nuance entre penser et parler à soi, tu sais? Si t'es fou de te parler, t'es fou de penser. Parce que tu parles en silence quand tu penses. Pas grande nuance. Bon, fais des rimes sans le savoir. Trop calme, ça n'est pas savoir. Bon. Mais il reste quand même que il y en a très peu ici qui se permettent de faire cet exercice-là, de se parler tout seul, je veux dire. Ils sont manipulés à continuer à avoir l'impression qu'ils sont seuls chez eux. T'es en train de virer fou, là. C'est ça, vire fou. Les fous changent les mondes. Le monde normal reste là puis attend que les fous bougent. Et quand ça va sauter, là, le monde normal, ils vont bouger. Bon, c'est ouais. L'être humain, on va revenir la semaine prochaine sur l'intelligence instantanée parce que c'est la meilleure, c'est la plus grande puissance qui va arriver à libérer l'homme de ce plat de culpabilité. La culpabilité n'a pas été donnée par l'intelligence supramentale, il y a de cela quelques belles lurettes, pour rien. Tout ce qui se passe sur la planète est intelligent, permis, convenable, écologique. Je ne dis pas cela parce que c'est théologiquement ça que je vis émotivement. C'est parce que je sais que c'est un fait. La seule chose qu'il y a, c'est que lorsque l'homme ne comprend pas la mécanicité écologique de tout un écosystème, de tout un ensemble d'événements, et qu'il ne voit qu'il n'a qu'une conscience nombritique reliée sur lui-même, égoïque, bien évidemment, il rouspète tout le temps et il broute toujours. Sauf que ça n'empêche pas les étoiles de tourner, ça n'empêche pas la Terre d'avoir une rotation, une translation, puis tout continue à être ce que c'est. Lorsque l'homme commence à parler de la culpabilité, il ose, et quand je dis parler, c'est en parler pour s'expliquer que c'est con d'être coupable. De sentir coupable. J'ai fait un vol à l'étalage. Je me sens pas coupable, ils sont aussi riches puis ils nous volent assez. Mais non, ça, sens-tu pas coupable, c'est déjà ça, félicitations. Tu te sens pas coupable d'avoir volé? Non! Merveilleux, merveilleux, viens t'asseoir ici, tu te sens pas coupable, parfait. Maintenant, je te parlerai pas de la culpabilité, mais m'a expliqué pourquoi c'est stupide de faire du vol à l'étalage. C'est inécologique et il y a un paquet de raisons intelligentes qui fait que c'est inécologique. Mais on ne parlera pas que tu devrais te sentir coupable pour plus recommencer. Si l'individu se sent coupable, il ne recommencera pas. Mais ça fait un individu de moins qui va évoluer à son propre rythme. S'il comprend l'intelligence, mais non seulement il pourra l'expliquer aux autres, puis en plus, lui, il aura conservé son énergie, non pas pour se gruger l'âme ou l'estomac, mais pour pouvoir travailler à comprendre des choses et à poursuivre son amélioration évolutive. Donc, se parler par la parole, parler au niveau, parler avec des individus de cette maudite culpabilité, je me sens coupable d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Comme j'expliquais à un moment donné, tu as deux journées de maladie, ça te tente d'en prendre une, t'appelles, puis tu le dis qu'aujourd'hui tu rentres pas. Pourquoi? Parce que ça me tente pas. Elle, là-bas, la secrétaire, ça se sent coupable, elle va dire au patron que c'est parce que vous êtes malade. Mais les patrons savent que les employés comptent des menteries, alors pourquoi continuer à en compter? De toute façon, c'est sûr. Bon, même le patron le sait. Alors, l'être humain a toujours des excuses, des ceci, des cela. Parler. Deuxièmement, comprendre que l'être humain n'a pas de libre arbitre. Alors, je sais que ça ne peut pas être compris comme ça pour tout le monde. Il y a une période de questions tout à l'heure, vous pouvez écrire vos questions sur papier. Alors, j'aimerais avoir vos commentaires sur le libre arbitre, mais donnez-moi aussi des exemples précis qu'il y a un libre arbitre. Hein? Lorsqu'on dit que l'être humain peut discerner le bien du mal, il le peut, oui, après l'avoir fait, mais jamais avant, sauf lorsqu'il a été éduqué de ce qui est bien et mal, okay. Mais ce n'est pas un libre arbitre, ça devient une programmation. Bon. Encore lorsqu'il y a suffisamment de mental. Oui, mais c'est plus un être humain. Là, on tombe dans l'homme nouveau, on parle du surhomme. Là, moi, je parle de l'homme ancien, de l'homme transitif, qui effectivement est convaincu qu'il a un libre arbitre total. L'être humain a un libre arbitre. La preuve, tout ce qu'il veut entreprendre ne marche pas. Bon. Hein? C'est pas lui qui détermine l'heure de sa mort, c'est pas lui qui détermine la longueur de son nez, c'est pas lui qui détermine la personne qu'il va rencontrer, qu'il va aimer. Oh oui, c'est moi qui l'ai choisi, c'est celle-là que j'aime, c'est celui-là que j'aime. T'as-tu vu tous les humains de la planète avant de choisir? Non, c'est ça. T'as choisi parmi ceux qu'il y avait. T'as voté pour le moins pire. Ou la moins pire. Hein? Mais c'est pas un choix, j'ai pas décidé. Est-ce que tu as bâti le corps humain et la personne que tu voulais rencontrer? Parlez-moi pas d'intentionnalité. Lorsque l'être humain a compris qu'il n'avait pas de libre arbitre et qu'il était réactionnaire, la semaine prochaine, et peut-être aussi lors de la deuxième partie, on a des questions assez précises. C'est bon de préciser un peu les questions. C'est une question, c'est quoi Dieu? Je réponds pas à ça. C'est Dieu, c'est tout ce que vous voudrez. Bon. Lorsqu'on a une question précise, on peut y répondre. Le libre arbitre, c'est une folie, c'est une illusion de l'ego créée par les mécanismes d'involution de notre planète, qui évidemment agissent très bien aujourd'hui. On en parle souvent dans les conférences. La semaine prochaine, parlant de l'intelligence instantanée, on va évidemment parler de l'intelligence, du rôle de l'âme, du rôle de l'ego. Donc, la personne qui comprend qu'elle n'est pas intentionnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui va déterminer tout ce qui va arriver dans l'écosystème extérieur, elle va déjà pouvoir travailler sur la libération de la culpabilité. C'est pour moi qui l'a fait, je me sens pas coupable. Sauf qu'on ne me reprendra pas à me manipuler pour faire encore cette connerie-là. Puis si un jour elle se fait encore avoir, ben c'est quand même pas elle qui l'a fait. L'être humain est faible, qu'on dit. Ben s'il est faible, il est faible par rapport à quoi? Il est faible par rapport à un manipulateur. Ben s'il est faible puis se fait ramasser, c'est pas de sa faute s'il est faible. Il est faible. Tout. Et lentement, s'il se culpabilise, ben il reste faible. S'il apprend à avoir l'intelligence de comprendre les choses, il grandit. Et le troisième moyen pour se libérer parfaitement et totalement de la culpabilité, ben, c'est le contact avec son double éthérique, avec son ajusteur de pensée plutôt, pour arriver à exprimer une intelligence instantanée qui ne s'exprime que par la parole. La parole est d'art. Nouveau est libre. Mais il n'est pas libre d'évoluer. Il est manipulé par l'intelligence à évoluer. S'il avait vraiment un libre arbitre, il aurait le choix. Vous, par exemple, êtes-vous libre d'être celui que vous êtes? OK, il y a du monde ici qui est intéressant. Bon, effectivement, je n'ai absolument pas le choix d'être ce que je suis. Et c'est évident que l'homme nouveau n'est pas libre non plus. Il n'a pas un libre arbitre total. J'ai expliqué souvent que lorsque l'homme nouveau entre en contact avec l'intelligence instantanée, il était manipulé par l'intelligence. Et être manipulé par l'intelligence, c'est pas aussi souffrant qu'être manipulé par l'intellectuance ou par les phénomènes astraux, les phénomènes psychologiques, comme la culpabilité, comme la prise de... comme l'illusion de penser, comme l'illusion d'évoluer au niveau de l'âme, comme l'illusion de devoir sauver son âme et ce genre de choses. Lorsque l'homme nouveau est manipulé, il est manipulé pour la simple raison que lorsqu'il voit l'intelligence d'une solution, ben voyant l'intelligence d'une solution, évidemment, étant intelligent, il applique la solution. Il n'a pas le choix. Donc, s'il n'a pas le choix, il effectivement, il reste manipulé. L'homme sera manipulé par les plans astraux ou par les mondes supramentaux, les mondes d'intelligence et les mondes de l'esprit. Alors, l'homme est manipulé par le monde. Ce qui, si on prend le terme de, disons, théologique, l'homme sera manipulé par Satan ou par Dieu, par un ou par l'autre. L'homme est évidemment l'expression divinisée, terrestrifiée des plans intelligents, donc l'être humain exprime de par le fait même les forces d'évolution. Et étant donné qu'il est un être ascendant, donc qui accumule énergie sur énergie pour parvenir à un moment donné à recevoir l'énergie qui descend et la retenir à un niveau plus avancé, l'homme se dirige de plus en plus vers les forces d'évolution. C'est-à-dire que l'homme passe des forces d'ignorance, des forces d'intellectuance mémorielle, des mondes où l'être humain se voyait confiné à continuellement tenter d'expliquer le présent à partir du passé. Il se dirige lentement vers un monde neuf où il pourra expliquer le présent à partir de l'instantanéité de celui-ci. Et où, à un moment donné, il n'aura plus besoin d'expliquer parce qu'il saura. Et c'est le sujet de la conférence la semaine prochaine sur les phénomènes de l'intelligence instantanée. Alors, la personne qui écrit ceci, j'espère qu'elle ne se sentait pas fière d'écrire cela lorsqu'il l'a écrit, pensant de son m'accrocher, mais effectivement, l'homme nouveau n'est pas un être libre de son intelligence, c'est un être libre de son ignorance. Daniel, dit que le libre arbitre n'existe pas. Donc, explique-moi se prendre en main. Lorsque l'homme se prend en main, nous faisons référence évidemment à tout le phénomène qui permet à l'esprit de l'homme d'entrer en contact avec le véhicule, donc le corps de l'homme. Et quand je parle du corps de l'homme, je parle du corps terrestre. Cela cumule le corps physique, le corps vital, une grande partie du séraphin de l'âme et le corps mental de l'homme. Lorsque je dis se prendre en main, cela veut simplement dire d'essayer d'être relié à un phénomène astral ou psychologique plus interne à l'âme qu'externe à l'âme. Autrement dit, essayer de faire de plus en plus référence au peu de mémoire que nous avons en tant qu'individu, une mémoire qui est datée de quelques années, de quelques dizaines d'années, plutôt que de faire référence continuellement à la mémoire collective, qui, elle, date d'extrêmement longtemps. Lorsqu'un individu se prend en main du point de vue de l'homme, du point de vue terrestre, il doit s'arranger pour limiter la recherche mémorielle à sa propre expérience et ne plus jamais faire référence à la gradation mémorielle de la collectivité. Autrement dit, il ne peut plus se demander ce que les autres vont en penser parce que lui est capable de supporter le peu d'illusion de pensée qu'il a sans l'assujettir à l'illusion de pensée collective. Se prendre en main veut dire que lorsque l'intelligence supramentale, lorsque l'intelligence active, lorsque l'esprit touche des cordes sensibles dans l'homme, Ben, ils ne demandent pas aux autres leur avis sur ce contact. Il va l'astraliser, il va le psychologiser, il va l'émotiviser, il va peut-être l'intelligencer, mais il risque de l'exprimer beaucoup plus purement que s'il le mémorise et que par la suite il va demander à quelqu'un « Que penses-tu de telle chose? » Lorsque l'être humain se prend en main, cela veut dire qu'égoïquement, il accepte d'être désassujetti du support collectif et qu'il devient un être un peu plus individuel sans nécessairement être individualiste dans son action. Se prendre en main, donc, est intelligent dans l'étymologie telle que je l'emploie pour la simple raison que ça dénote une fois encore une manipulation au niveau des plans astraux, mais une manipulation qui est permise par l'intelligence et qui ne demande pas à l'humain de demander l'autorisation d'autrui. Lorsque un être humain a un certain filon de contact supramental, il ne doit pas demander à quelqu'un qui n'a pas le même filon que lui ou qui n'a pas de filon du tout. Si son filon est bon, il ne peut pas. Alors qu'il se prend en main, il accepte de supporter les risques qu'il a de se tromper. Et se tromper n'est pas une erreur. Se tromper veut simplement dire qu'on a mal exprimé le filon qu'on a reçu. Et mal exprimer le filon qu'on a reçu, ce n'est pas culpabilisant pour la simple raison qu'on exprime au mieux ce que l'on a à exprimer. Alors, se prendre en main, donc, est intelligent si l'être humain accepte de devoir supporter ses propres opinions sans quémander l'appui d'autrui. Depuis que je me suis putainé à l'ouvrage, c'est-à-dire rire des farces plates, etc., ça va bien. Mais je voudrais rester qui je suis, mais les autres ne m'accepteraient pas, me trouveraient distante. S'ajuster, est-ce une forme de puténage? S'ajuster peut être une forme de puténage, sauf que si on doit se puténer toute sa vie, ce n'est plus un ajustement. Les autres ne vont pas m'accepter. Et les autres ne sont pas venus au monde pour t'accepter. Alors, si la personne veut passer et perdre sa vie à devoir s'arranger pour que les autres l'acceptent, elle perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'elle-même. Rire des farces des autres, c'est une chose intéressante. Moi, lorsque je travaillais, j'étais un gars extrêmement plate. Et puis, à un moment donné, je devenais le confident des autres. Et puis, à un moment donné, même si je ne parlais pas trop, je finissais par être accepté comme étant mystérieux, bizarre et anormal. Mais étant donné qu'on a peur de la normale, on me laisse en paix. Ça ne m'empêchait pas de rencontrer à travers les individus les plus intelligents, parce que normalement, l'intelligence s'approche de la normale. Alors, ce qui fait que, à travers la compagnie ou les compagnies pour lesquelles j'ai travaillé, je finissais de toute façon par rencontrer un ou deux individus qui, finalement, pouvaient travailler avec moi dans un espèce de cadre d'humour où on avait du fun. On riait de nos farces plates, mais au moins, c'était nos farces. On les comprenait. Bon. Lorsqu'une personne passe sa vie à se putainer à l'ouvrage, elle s'ajuste. Mais il faut faire attention, il faut être diplomate. Pour être diplomate, il faut être hypocrite, ça va de soi, on ne peut pas être diplomate, être hypocrite. Et l'homme doit apprendre à manipuler autrui. C'est-à-dire qu'on rit des farces des autres, et puis, comme je l'ai fait aussi un peu à un moment donné, mais après 6, 7, 8 mois, 1 an, c'est eux qui rient de mes farces. Alors, ce qui fait que la personne, elle doit s'arranger lentement pour redevenir ce qu'elle est. Et si les autres l'empêchent, ce qui normalement devrait se faire parce que les forces collectives, l'astral manipule suffisamment la conscience collective pour faire en sorte que la collectivité va se lier inconsciemment pour empêcher un individu d'avancer plus vite que le groupe. Alors, se putainer toute sa vie pour faire plaisir à autrui, ça ne vaut pas la peine. Être accepté par les autres, ça ne vaut pas la peine non plus. Si vous n'êtes pas accepté par vous, pourquoi devriez-vous être accepté par autrui? Surtout qu'autrui va continuer autrui. Si, par hasard, autrui décide de changer, évidemment, si vous ne changez pas, il ne vous acceptera plus. Étant donné que l'être humain évolue régulièrement, on doit passer sa vie à changer son putainage pour continuellement être en train de se putainer, de cette façon se faire accepter. Alors non. L'individu qui se putaine continuellement pour être accepté des autres ne devrait pas se putainer. Si le travail devient trop compliqué, elle devra s'ajuster entre les deux et tendre de plus en plus à instruire son entourage qu'elle est ce qu'elle est. Ça prend un an, ce n'est pas grave, mais elle doit évidemment tendre à redevenir ce qu'elle est et à cesser de se putainer. Pour ceux qui ne sont pas, disons, au courant de ce que veut dire putainer, cela veut dire faire des choses qu'on ne veut pas faire, qu'on n'aime pas faire, qu'on ne devrait pas faire, puis le faire quand même parce qu'autrui veut qu'on le fasse. Comment ne pas se sentir coupable de ne pas aimer? Par exemple, ne pas aimer les enfants ou les gens qui nous détruisent. Bon, comment ne pas se sentir coupable de ne pas aimer? Si vous arrivez à ne pas aimer, vous devez être capable de ne pas vous sentir coupable, parce qu'il paraît que c'est aussi compliqué de ne pas aimer que de ne pas se sentir coupable. Par exemple, ne pas aimer les enfants ou les gens qui nous détruisent. En passant, les gens ne vous détruisent pas. Lorsqu'ils grêlent, ça magane l'auto. Mais la grêle, intentionnellement, ne décide pas de maganer la peinture d'une automobile. Ils grêlent. Lorsque les gens passent et vous détruisent, les gens ne vous détruisent pas. Il y a des événements qui vous détruisent parce que vous vous laissez détruire par les événements. On ne peut pas maudire une personne qui, de toute façon, est manipulée. On ne peut pas la maudire parce qu'elle nous détruit. Ne pas les aimer pour faire attention. L'être humain ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Alors, on ne peut pas faire autrement que d'aimer. Donc, on attire les choses et on attire vers soi ce qui en attire le plus, ce qui donne l'impression qu'on refuse le reste. Mais on aime tout le temps. Prenez deux personnes qui s'haïssent, je dis qu'ils s'aiment. Vous les vérifiez, placez-les sur une île déserte, mettez-leur un apocalypse dans le visage, détruisez le reste de la planète et mettez-les comme seuls survivants sur la planète, vous verrez qu'ils vont s'aimer. Pourquoi? Parce qu'ils s'aimaient, mais vu que le reste est disparu, ne pouvant attirer autre chose entre eux, donnant l'impression qu'ils repoussent la chose, ben, vu qu'il n'y a plus rien placé entre eux autres, ils n'auront pas le choix, ils vont s'attirer. Lorsque la personne ne se sent coupable, elle se sent pas coupable, pourquoi? Parce qu'elle a appris, elle a le concept, elle a l'idée, la fausse idée, qu'elle doit émotivement aimer tout le monde. L'amour n'est pas une émotion, l'amour est un sentiment. Lorsqu'on l'émotivise, on la tue. Lorsqu'on la tue et lorsqu'on en fait une émotion, évidemment, ça devient intéressant. L'être humain pense qu'il a le libre arbitre. J'aime un tel, je n'aime pas un autre. L'amour, ce n'est pas sélectif. L'amour, ça n'aime pas. Alors, en partant, l'amour, elle est partout. Alors, la personne se sent coupable parce qu'elle recherche l'accréditation collective. Elle recherche l'accréditation d'autrui. Et elle recherche l'accréditation aussi de son concept, du concept qu'elle a, qu'elle devrait aimer. Alors, nécessairement, elle se sent coupable de ne pas aimer. C'est naturel de ne pas être capable égoïquement, émotivement, d'être en vibration harmonique avec tous les autres égaux. La preuve, l'être humain égoïquement, émotivement, peut haïr, détester ou aimer. Alors, l'être humain ne peut pas se sentir coupable d'être un être humain. C'est normal du point de vue de l'ego de ne pas être capable d'être en résonance vibratoire avec tout ce qui existe. Du point de vue mental, ça devient plus compliqué. Puis du point de vue supramental, l'être humain ne peut pas haïr pour la simple raison qu'il découvre l'amour intelligent. Mais l'amour intelligent ne l'empêchera pas de se tenir distant de ceux qui sont inharmonieux avec l'écologie ou l'écosystème dans lequel il vit. Ils ne diront pas « je ne les aime pas ». Il va simplement dire « je ne veux pas le voir à la face ». C'est pas pareil. Étant donné que l'être humain est convaincu que l'amour émotif s'exprime avec des fleurs ou des becs, lorsqu'il dit « je ne veux pas le voir à la face » à eux autres, on pense qu'il ne les aime pas. Ça n'a rien à voir. Et parce que l'être humain mélange tout, il va dire « je ne les aime pas ». Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'il devrait dire. Il ne peut pas les attirer suffisamment puissamment pour être nourri de leur présence. Or, la personne doit donc comprendre qu'effectivement, c'est tout à fait convenable dans la société terrestrifiée de l'homme ancien d'aujourd'hui que de ne pas être capable de raisonner émotivement avec tout ce qui existe. L'amour de l'homme, l'amour émotif de l'homme ancien et de la personne transitive est un amour sélectif. Étant donné que c'est un amour sélectif, il sélectionne. S'il sélectionne, le mental de l'homme va évidemment découvrir qu'il n'aime pas tout. Eh oui. Et lorsque le mental entre en vibration avec son intelligence, l'intelligence supramentale, l'intelligence instantanée, ben là, il découvre qu'il vibre à tout. Mais ce n'est pas parce que l'on vibre à tout que nécessairement on doit se laisser filer sur les pieds. J'ai déjà expliqué que l'homme nouveau aime parce qu'il n'aime pas. L'homme ancien n'aime pas parce qu'il aime. Son amour aimant va quelque part et ne va pas ailleurs. L'homme nouveau, lui, ne peut pas souffrir d'aimer et il ne peut pas souffrir de cet amour. Il ne vit pas d'amour émotif, il vit d'un amour vibratoire, un sentiment. L'homme nouveau est capable de tuer un maringouin tout en aimant le maringouin, ce que l'homme ancien ne peut pas faire. L'homme nouveau sera capable de tuer un agresseur tout en continuant à l'aimer. L'homme ancien devra l'haïr pour pouvoir le tuer. Et c'est ce qui crée le contexte de nos guerres. Les Russes haïssent les Américains haïssent les Russes. parce que s'ils s'aimeraient, ils ne pourraient pas se battre. Donc, ils doivent saillir pour se battre. Sauf que saillissant, ils risquent de se défendre. Et à un moment donné, il y a un des deux pays qui va se défendre avant l'autre. Parce qu'ils auront suffisamment peur par la haine. Alors, il faut bien comprendre que c'est tout à fait terrestre et humain, pour l'instant, au niveau ancien ou transitif. Tant qu'on a de l'ego qui veut aimer, cet amour est sélectif. C'est donc normal de ne pas être capable d'aimer tout. Celui qui a lancé le jour, qui émotivement l'homme doit tout aimer, était une personne qui tenait à se faire aimer par les autres. C'était une sangsue, un têteux d'énergie. Qui avait besoin de l'amour de tout le monde, qu'on lui grattait, qu'on lui donnait des cadeaux, qu'on lui donnait des choses? Lorsque le Nazaréen va dire « Tu dois aimer ton ennemi comme toi-même », ça ne t'attendait pas à ce qu'il était, tu ne donnes pas des cadeaux, tu ne donnes pas des becs, tu n'es pas capable. Il y a quelques exceptions là, qui sont bien gros, là, mais pas celui-là qui parlait. On parle d'amour intelligent, un amour qui n'est pas sélectif. Un amour qui n'est pas sélectif, on ne peut pas demander à cet amour d'aimer tout. C'est déjà là. C'est une attraction. C'est une des lois les plus présentes au niveau de notre univers qui s'exprime sous quatre formes, disons, d'énergie plus matérielle. On connaît la gravité, on connaît l'attraction ionique, on connaît l'attraction magnétique et donc ces lois qui sont des expressions plutôt matérielles de l'amour, de l'attraction. Au niveau émotif, on se fait avoir. Alors, la personne se sent coupable parce qu'elle est convaincue que c'est normal d'aimer toutes, parce qu'on lui a bien inculqué qu'elle devrait aimer eux autres, qu'elle devrait un jour se rendre compte qu'elle est naturelle. Puis son égo est sélectif comme n'importe qui. La personne, si un jour quelqu'un vient vous dire, tu devrais l'aimer, lui! Bon, alors, essayez de trouver quelque chose là, que l'autre déteste, là, puis dites-lui qu'elle devrait l'aimer aussi. Une photo de choses répugnantes, n'importe quoi, du sang, elle perd connaissance à du sang, celle qui vient vous instruire d'aimer tout le monde. Mais dis-tu donc que le sang, c'est synonyme de vie. Elle devrait aussi aimer la vie. Perdre connaissance devant le sang, dites-lui que vous êtes capable de perdre connaissance devant ceux que vous n'aimez pas. Alors, les personnes qui tentent de vous manipuler, ben, vous pouvez facilement leur expliquer qu'effectivement, au niveau de l'ego, au niveau de l'âme, l'âme ne peut pas tout aimer. Il est sélectif. Doit-on faire ce qui nous plaît sans se sentir coupable? Voyez-vous le problème de t'en faire ce qui nous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît? Étant donné que vous pensez que vous pensez, qu'on vous manipule la pensée, il y a bien des choses qui vont vous plaire, qui vont vous déplaire après. L'être humain doit faire ce qui lui plaît à l'exclusive condition qu'il ait mentalement analysé l'intelligence écologique de ce qu'il veut faire. Autrement dit, faites ce que vous voulez à la condition que vous ayez envisagé les conséquences de vos actes. Si vous êtes des êtres conséquentiels, ce qui vous plaît, ben vous pourrez le faire. Ça me plaît de faire cela, j'observe les conséquences, c'est idiot. Vous allez vous rendre compte que ça ne vous plaît plus de le faire non plus. Or, l'être humain qui ne veut qu'être émotif, s'il fait tout ce que ça lui plaît, il peut être sûr qu'il va se faire charrier par la culpabilité. Tandis que l'être humain qui est suffisamment mental pour pouvoir intelligencer ses actes, être conséquentiel, hein, se diriger vers l'état de l'homme nouveau, ben nécessairement, il fera ce qui lui plaît. Pourquoi? Parce que ce qui lui va lui plaire de faire ne sera que ce qui se devra d'être fait. Je comprends le mécanisme de la culpabilité. Je sais que je suis manipulé, etc. Mais je n'arrive pas à m'en défaire de cette culpabilité. La personne a suffisamment de mémoire qui constitue son ego. Ses mémoires expérientielles sont des mémoires expérientielles de phénomènes de culpabilité. Autrement dit, elle a bien été instruite. Et c'est une personne qui est bien éduquée. Bon. Maintenant, il faudra qu'elle brise un peu certaines parties de son éducation. Et je répète encore une fois que la personne doit continuellement parler de la culpabilité. Deuxièmement, intelligenter le fait qu'elle est manipulée. Elle est manipulée. Donc, ce n'est pas elle qui va accomplir une grande partie de ce qu'elle va se mettre sur le dos. Elle en est responsable quand même au niveau conséquentiel ou au niveau écologique. Elle en est responsable. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va servir de véhicule à l'expression de choses qui ne sont pas correctes. Mais faites attention. Si un jour vous avez le goût de violer, et puis vous arrivez à être suffisamment énergétique pour ne pas violer, autrement dit, vous prenez une courbure qui vous est impossible, parce que celui qui viole n'avait pas le choix de violer. Alors, vous changez de voie. Mais sachez une chose, c'est que s'il devait y avoir un viol cette journée-là, dans notre société, pour supporter une partie du karma collectif de notre ville, ben c'est un autre qui va violer. Alors, quelle que soit l'apparente décision que l'humain va prendre, les choses seront ce qu'elles seront. Elles vont de toute façon arriver. Alors, lorsque l'on peut dire malheur par qui ces choses arrivent, parce que de toute façon, elles vont arriver, Malheur en ce sens que c'est ces personnes-là qui devront supporter le poids karmique de l'acte que leur corps ou leur pensée aura accompli. Mais au niveau de l'esprit, ces êtres humains ne sont pas coupables. Ils n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient pas faire autrement. Deux personnes se saoulent la gueule, l'un s'en va en automobile, l'autre aussi. Il y en a un des deux qui frappe quelqu'un et il le tue. Lequel est coupable? Celui qui a frappé personne parce qu'il n'y avait personne à frapper? Ou celui qui a frappé quelqu'un parce qu'il y avait quelqu'un à frapper? Ben, il n'y a pas un des deux qui est coupable. Socialement, c'est inécologique de boire, d'avoir de l'alcool dans nos boissons. Spirituellement, ce fut, il y a de cela un bon bout de temps, intelligent. Aujourd'hui, l'alcool ne sert plus à faire évoluer l'humain. Elle a servi longtemps. C'est d'ailleurs pourquoi dans beaucoup de traditions théologiques, on se sert du vin. Mais aujourd'hui, ça ne sert plus. Or, la personne, elle se sent coupable parce qu'elle est bien programmée et elle devra évidemment continuer à parfaire son cheminement vers un contact avec son ajusteur de pensée. Et l'ajusteur de pensée, qu'est-ce qu'il a comme phénomène assez exceptionnellement extraordinaire? C'est qu'il permet à l'humain qui pense de penser différemment. Alors, lorsque l'humain se dit « je vais faire ceci », ben, il vient pour le dire et surtout s'il parle, mais dans la tête, ça peut paraître, c'est plus facile par la parole. Il va dire « je vais faire autre chose ». Voilà. Il est manipulé, oui, mais par l'intelligence. Et s'il apprend à écouter, il finit par être capable de se répondre à ses questions et il se relie lentement à son propre esprit. Il devient intelligent. On revient là-dessus la semaine prochaine. Alors, on se sent coupable. Je dis souvent, sentez-vous au moins coupable de vous sentir coupable. Et puis après ça, ayez honte de vous sentir coupable, de vous sentir coupable. Et puis après ça, ayez honte d'avoir honte. Et puis à un moment donné, ben vous serez libre. Le sentiment de culpabilité et le sentiment d'infériorité, est-ce la même chose? Ça peut, dans la majorité des cas, être la même chose. Maintenant, ça peut être tributaire d'une programmation. Le sentiment d'infériorité n'est pas nécessairement un sentiment de culpabilité. Par contre, la culpabilité d'infériorité va nécessairement apparaître si l'individu sent chez lui, à un moment donné, le potentiel d'être plus grand et qu'il découvre qu'il ne peut pas parce qu'il a été programmé à être médiocre. Là, il peut se sentir coupable d'être ce qu'il est. Mais on peut devenir médiocre à force de se sentir coupable, ça va de soi, parce que se sentant coupable, on n'évolue pas comme on devrait le faire. Donc, nécessairement, on sent ce pouvoir chez nous qui ne veut pas s'exprimer, qui ne peut pas être exprimé, parce qu'on brûle les canaux d'expression par la culpabilité. Comment on peut pas, on peut faire plus d'évolution, puis si on ne le fait pas, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est-à-dire que l'être humain continue à évoluer. Vous savez, vous pouvez vous sentir coupable de l'avancer au même rythme que si vous ne vous sentez pas coupable. Sauf que ceux qui se sentent coupables avancent à 50 000 à l'heure. Ceux qui ne se sentent pas coupables avancent à 50 000 à l'heure. Il y en a un qui roule sur l'autoroute, puis l'autre, il roule dans le fossé, en dehors du char, attaché par le pare-choc. C'est tout. Alors, l'être humain évolue à la même vitesse, mais il perd des morceaux en tabarnouche quand il évolue avec la culpabilité. Alors, c'est quoi l'intelligence de plus se sentir coupable? Tu ne changeras rien. La personne qui dit « bon, je me sens plus coupable, m'a fait telle affaire », c'est parce que c'est permis si elle le fait. Sauf qu'elle pourra supporter, elle devra supporter les conséquences de ses actes. Si ses actes sont écologiques, évidemment, elle supportera les conséquences, elle en bénéficiera. Si ses actes sont inécologiques, elle, apparemment, théologiquement, paiera pour ses actes. En réalité, elle supportera les conséquences de ses actes qui vont évidemment venir l'écraser, qui remplacent le fossé. Alors, on évolue au même rythme. C'est pas de problème. Sauf que d'un côté, c'est souffrant maudit pour rien. J'observe que la culpabilité ne touche plus ma psychologie directement, mais qu'elle s'exprime lorsque je m'aperçois que mon corps exprime la culpabilité et qui a-t-il à améliorer pour commencer à travailler la psychologie ou sur le corps? Bon, premièrement, il faudrait commencer juste par observer les choses. J'observe que la culpabilité ne touche plus ma psychologie directement, mais qu'elle s'exprime lorsque je m'aperçois que mon corps exprime la culpabilité. Bon, la personne, elle dit « moi, je me sens plus coupable », puis soudainement, elle se rend compte que son corps exprime la culpabilité. Cela veut dire qu'elle a l'illusion de ne plus se sentir coupable, mais qu'elle se sent toujours coupable. Et là, chez elle, un ajusteur psychologique, l'intellect, qui vient l'instruire, qui vient supporter l'ego pour pas que l'ego souffre trop. Hein? C'est aussi, c'est manipulé par l'orgueil de l'individu. Et cette personne-là s'instruit elle-même que psychologiquement, elle ne souffre pas de la culpabilité. Alors qu'en même temps, son mental découvre qu'elle l'exprime. Commencer par quoi? Commencer par ne plus se prendre au sérieux, par pas trop se prendre au sérieux. Pour la simple raison que lorsqu'on est sûr que l'arme n'est pas touchée par quelque chose, ça fait une chose pour compliquer un peu les choses. Tant que l'être humain a une arme, il va se sentir coupable. Si l'intelligence instantanée descend à l'humain et traverse l'homme, elle va supramentaliser l'arme pour faire de l'arme deux choses. Premièrement, elle va faire de l'arme de l'énergie vitale, ce qui va restaurer l'intégrité du corps physique de l'homme, ce qui finalement va même permettre à l'homme de restaurer l'intégrité physique des autres. Deuxièmement, elle va être exprimée à l'extérieur pour créer un canal qui va permettre à l'être humain de pouvoir concrétiser l'expression d'un double de lui-même au niveau du planète de l'intelligence, ce qui va créer le double éthérique. Pour cela, l'être humain sera ajusté par l'intelligence au niveau de sa pensée, c'est-à-dire qu'il est manipulé continuellement par l'intelligence mémorielle de notre planète, par les forces astrales. L'ajusteur de pensée est l'expression de l'intelligence instantanée au travers de son âme qui va permettre à l'expression de sa pensée de ne plus être tributaire exclusivement des mémoires et des vents astraux, mais d'être tributaire ou d'être orchestré, d'être organisé par l'intelligence instantanée. Autrement dit, l'ajusteur de pensée va faire quoi? Il va faire qu'à un moment donné, la conscience collective d'un peuple en entier va être manipulée, ce qui fait que le peuple sera manipulé à faire certaines choses. Lorsque l'intelligence a manipulé des sociétés secrètes et une partie du peuple pour engendrer la Révolution française, eh bien, évidemment, la Révolution française, chaque individu était inconsciemment manipulé par de l'intelligence astralisée, c'est-à-dire que chaque individu était manipulé par les forces astrales qui l'obligeaient à faire des pendaisons, des chopages de tête, ou à faire ceci ou à faire cela. C'est l'intelligence qui manipule les forces sataniques, donc qui manipule les forces d'évolution pour permettre à l'humanité de continuer à évoluer sans qu'elle le sache, et dans la majorité des cas, c'est extrêmement souffrant. Et lorsque l'être humain entre en contact avec son ajusteur de pensée personnel, c'est-à-dire lorsqu'il le personnalise, lorsqu'il entre en contact avec son ajusteur de pensée, et de quelle façon on entre en contact avec l'ajusteur de pensée, simplement continuer à faire tout ce que vous faites présentement, un jour, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Bon. Lorsque l'ajusteur de pensée interfère la pensée chez l'homme, c'est que l'ajusteur collectif manipule les forces nationales, par exemple, et ces forces nationales-là vont évidemment manipuler tous les individus. Et lorsque l'individu se prend en main, donc lorsqu'il accepte d'écouter un peu plus ce qui se passe chez lui, plutôt que d'écouter ce qui se passe dehors, ben nécessairement, son ajusteur de pensée va finir par commencer à lui parler. Et l'intelligence, au lieu d'ajuster l'homme par le biais de la conscience collective, ajustera l'homme par le biais de la pensée individuelle de l'homme, par l'âme de l'homme. Alors, autrement dit, au lieu de dire, on va protester contre l'apartheid, là, j'ai reçu des ceci, là, on en parle à la télévision, il y a un mouvement de protestation dans la rue, je pense que je vais y aller. Ça, c'est l'intelligence qui manipule l'Afrique du Sud par le biais de la conscience collective de d'autres pays. Et chaque individu embarque là-dedans collectivement. À un moment donné, l'individu finit par s'ajuster lui-même et il n'a plus besoin d'être soumis à la conscience collective. Il s'ajuste lui-même par l'intelligence. Alors donc, la personne qui observe à un moment donné qu'elle se sent coupable, même si psychologiquement elle ne le vit pas, elle doit savoir qu'elle est en train de se faire avoir par sa psychologie, qui lentement finit par transformer des formes de culpabilité en d'autres mots ou en d'autres phénomènes émotifs. Alors, elle ne vit plus la culpabilité, mais elle se rend compte que son corps l'exprime. Elle doit donc travailler au niveau de son ego, c'est-à-dire qu'elle doit travailler au niveau de l'observation. Elle est en train de se faire ramasser. J'ai lu que la haine est une forme d'amour puisqu'il y a cohésion et direction et qu'à l'image des atomes reliés, toute cohésion est une forme d'amour. Quelle serait la nature de l'amour dans la haine? Bon. Effectivement, la haine, c'est de l'amour. Et au niveau atomique, on pourrait expliquer, mais la personne comprend déjà un petit peu le phénomène. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ego attire les choses à lui. C'est-à-dire que n'importe quel phénomène énergétique qui, à un moment donné, se densifie, c'est-à-dire qui se matérialise, a une masse. Cette masse permet une déformation de l'espace-temps qui entoure cette masse. La déformation spatio-temporelle va engendrer une courbure, et dans cette courbure, tout ce qui va être imbriqué par cette courbure suivra nécessairement un cheminement qui l'amène vers la masse. Étant donné que deux choses qui vont se côtoyer ont chacune leur masse, Ces deux choses-là vont donc s'imposer mutuellement à leur temps et leur espace, ce qui fait qu'instant nécessairement, elles vont s'attirer. Il y a d'autres formes d'énergie que l'être humain ne connaît pas encore, sur lesquelles on va passer, qui pourraient expliquer l'expansion évolutive de notre galaxie, bon, de notre univers. Lorsque ces choses s'attirent, cela crée une expérience dans le temps et dans l'espace de chacune des deux choses. Cette expérience dans le temps et dans l'espace engendre une vibration qui va permettre à ces densités de pouvoir accumuler plus d'énergie. Et normalement, elles vont accumuler une forme d'énergie qui leur permet de continuer à se constituer. Au niveau de l'ego de l'âme, l'âme a besoin d'une nourriture qu'il connaît, autrement dit, une nourriture similaire à son ego. Lorsqu'il aime quelque chose et que l'expérience spatio-temporelle ou l'expérience amique de cet amour ne le nourrit pas, il appelle cela de la haine. Alors, il déteste à un point tel qu'il peut passer sa vie à penser juste à ce qu'il déteste. C'est la plus haute forme d'amour. Sauf qu'étant donné que l'expérience qu'il vit, il ne la peut pas pour se nourrir, ça nourrit d'autres choses dans son âme, il appelle cela de la haine. Haïssez un individu pendant 20 ans, vous verrez que s'il meurt ou s'il s'en va, vous le regretterez. Pourquoi? Parce que vous avez fini par l'aimer. L'ego principal ne veut toujours pas cette nourriture, mais à la longue, à force d'expérimenter le même phénomène, ça finit par entourer l'ego d'expériences qui deviennent pour lui du connu, du sécurisant, et ça commence à le nourrir lentement. Alors finalement, on est deux voisins, on s'est toujours détesté pays. Puis à un moment donné, ben après 10 ans de haine, on peut finir par dire qu'on est con, qu'on s'y capte, qu'on devrait arrêter. Puis là, on devient deux bons chums, parce qu'on a fini par faire en sorte que l'amour qui ne nous nourrissait pas finit par nous nourrir. Quand je dis que l'amour psychologique, l'amour de l'homme ancien et souvent de la personne transitive est un amour sélectif, c'est parce qu'il a besoin de cette nourriture. Alors, si telle chose ne nourrit pas, il l'aime pas. Il aime telle autre affaire qu'il nourrit. Hein? On aime tel genre de fleurs parce que ça nous plaît chez nous. Ça se passe, il se passe des choses à l'intérieur. On aime ces fleurs. On n'aime pas les cactus parce qu'il se passe rien dans l'ego. Alors, on ne les aime pas. Puis, à un moment donné, si on est pogné à devoir les aimer quand même, ben, on finit par les haïr. C'est le terme qu'on emploie, qui reste de l'amour. Si je n'étais pas manipulé, tantôt je me serais levé pour vous poser une question. J'envoyais l'intelligence, mais j'avais peur de votre réaction. Ai-je été manipulé? Côté, parce que l'autre à côté, c'est l'autre à côté. Les deux ne sont pas ni supérieurs ni inférieurs, ils sont ce qu'ils sont. À un moment donné, dans un séminaire, une personne me demandait justement, quand est-ce que je vais être capable de parler comme toi? Non, tu ne parleras jamais comme moi. Tu vas réussir un jour à parler comme toi. Pas comme moi. Et c'est très important de bien comprendre, de bien cellulariser ce que je vous dis. On veut toujours être collectif, donc on a besoin d'idoles, on a besoin de répliques. On veut emprunter la vie d'un autre. Un jour, vous serez ce que vous serez. Mais une chose certaine, c'est que tant que je serai là, vous ne pourrez pas être à ma place. Bon. Tu parles de mensonges cosmiques. Ne devrions-nous pas plutôt dire mensonge tellurique? Non. La tellurie provient du phénomène de la Terre. Elle va servir à conserver la mémoire, souvent au niveau du monde de la mort, sauf que le mensonge est cosmique, en ce sens qu'il provient du cosmos, c'est-à-dire que toute l'illusion que nous connaissons aujourd'hui provient de tous les vêtements que nous avons abandonnés lorsqu'au niveau de l'esprit, nous sommes devenus des humains, c'est-à-dire des êtres terrestres. Alors, tout ce qui, dans notre conscience intelligente, a été filtré par la densification spatio-temporelle de notre Terre qui était en voie de densification elle aussi, c'est-à-dire que la Terre était, n'était pas solide comme elle l'est aujourd'hui. Évidemment, je parle de, on aurait pu reculer, je vois très très loin, disons un peu avant l'époque hyperboréenne. Et lorsque l'être humain est devenu terrestrifié, baissant sa vibration, il oublie les choses. Dans certains contextes, ce que l'être humain a laissé oublier a été mémorisé. C'est donc ce mensonge cosmique qui est la source des premiers archétypes cosmiques de notre planète. Qu'est-ce qu'un archétype? Archétype est une vieille forme. La vieille forme nourrit les rêves, elle nourrit les théologies, elle nourrit les espoirs des humanités, elle nourrit plusieurs choses. Et ces archétypes font partie du mensonge cosmique, c'est-à-dire que lorsque l'on se fie à l'archétype, on a l'impression de rencontrer quelque chose de réel, alors qu'on ne voit que l'ombre de la chose. Et comme vous savez très bien, lorsque vous voyez l'ombre d'un arbre à terre, vous ne voyez pas, mais absolument pas, l'arbre. En voyant l'ombre de l'arbre, vous ne pouvez pas connaître le nombre de feuilles, la couleur des feuilles, la grosseur du tronc réellement. S'il y a des oiseaux ou des bébites dans l'arbre, vous ne connaissez pas la hauteur de l'arbre, vous ne connaissez rien de l'arbre. Étant donné que l'être humain se fie à l'ombre de l'intelligence pour dire ce que c'est que de l'intelligence, ben c'est un peu comme se fier à l'ombre d'un arbre pour savoir si cet arbre-là, ben c'est celui-là qu'il nous faut. Hein? Allez acheter une maison, là, puis regardez juste l'ombre de la maison. Puis selon l'ombre de la maison, ben vous pourrez décider si vous payez 100 ou 200 000 pour. Puis vous verrez, vous allez vous faire avoir. Effectivement. Mais c'est ce qui arrive aussi avec le mensonge cosmique. L'être humain se fie à ces choses-là. Ces choses-là sont preuves qu'il existe quelque chose ailleurs. Mais ces choses-là ne sont pas la réplique exacte de ce qui existe. Et c'est pourquoi je parle du mensonge cosmique. Que nous passions de la manipulation astrale à la supramentale et que ce passage même soit aussi manipulé, cela veut dire que toute notre vie est un mécanisme se déroulant tel une horloge, tout étant déjà prévu et fabriqué. C'est ça. L'ego refuse, l'ego ne veut pas. D'ailleurs, autant que l'ego refuse la mort, l'ego ne veut pas mourir. Il meurt pareil. L'homme ne veut pas mourir, il meurt pareil. L'homme continue à prétendre aux libre-arbitre, il continue à se faire tirer aux cartes, ça se fait des cartes du ciel. Bon. Hein? Il continue à rechercher des preuves de destinée pendant que dans le fin fond, il décide que bon, les astres prétendent, mais n'inclinent pas, quelque chose dans le genre. Bon, ben, si tu peux tout changer, ça vaut pas la peine d'aller voir les astres. Bon. Parce que si tous tes voisins ont décidé de changer, ben, veux pas, tu vas changer. Hein? Évident. Si tous tes voisins et les astres décident que la société ici va vivre telle chose, ben, si tu décides que toi, tu le vivras pas, ben, si tout le monde décide d'y aller, ben, il y a des fortes chances d'y aller aussi. Or, en fin de compte, l'être humain est manipulé. Qu'est-ce que c'est que la destinée? La destinée, c'est l'agglomération collective de toutes les expressions d'intelligence dans l'homme. C'est ça, une destinée. Je répète encore une fois qu'il y a une différence majeure entre être manipulé par de l'intelligence et être manipulé par de l'aberrance. L'exemple que je donne, je la répète encore parce qu'elle est compréhensible facilement. Ceux qui l'ont appris à force de la répéter, ben essayez pour une fois de la comprendre. Si le feu prend dans la salle ici, il y a beaucoup d'individus qui, à un moment donné, vont se garrocher un peu partout. Ça va se piler dessus. Il y a deux sorties d'urgence sont très efficaces. Il y a en masse de place. Les personnes sortent un à la seconde quand tout va bien. Alors, si le feu prendrait, de toute façon, il ne faut pas s'en faire. Il y a des gicleurs partout en dessous des plafonds. Puis tout est inifuge un peu partout ici. Mais si le feu prendrait, comme ça arrive dans bien des endroits, on retrouve un paquet de monde pogné dans un garde-robe. T'as pas écrit sortie. Hein? Bon. On trouve des personnes dans les toilettes. C'était écrit men. Fait que les gars sont garochés là. Puis women, les femmes l'autre bord. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut simplement comprendre que l'être humain étant assujetti à une intelligence collective, il vit en troupeau. Et lorsqu'à un moment donné, le peu de contact qu'il a avec la réalité est altéré par un événement refusé par l'ego, hey, je veux pas mourir, je veux pas me brûler, hey, il y a ceci, il y a cela. Et même des fois, l'ego n'a même pas le temps de voir, il y a une vague qui part, il part avec. Alors, il est manipulé. Il rentre dans la garde-robe. Il y en a quelques-uns qui sortent par la porte, mais ça se pile sur les pieds, ça se garoche. On a vu dernièrement des parties de soccer, je crois, football, où on avait les Anglais qui se faisaient massacrer par un autre peuple, et ils s'espilaient dessus, les estrades qui tombaient, et puis tout le monde, ben oui, c'était tout du monde d'extrêmement intelligent, qui savait plus quoi faire, qui roulait en terre, qui se faisait taper dessus, qui tapait sur les autres, puis qui appelait leur mère, bon, puis qui broyait. L'intelligence va faire quoi? Le feu prend ici, tout le monde se garoche. Toi, tu vois à un moment donné qu'il y a un truc intelligent à faire, alors tu le fais. Mais tu vas dire, oui, mais si je le fais, c'est parce que je l'ai vu, parce que l'intelligence, à un moment donné, m'a permis de la voir, c'est que je suis manipulé. Alors, je le ferai pas. Ouais, mais c'est intelligent, puis la seule solution intelligente, c'est elle, ça va être dur en maudit de pas faire. C'est comme si vous allez acheter une auto, les pneus crevés, il est tout défoncé, le moteur est parti, il n'y a plus de vitre, le toit a été mangé par des singes, 25 000 piastres, ah, j'achète. Comme ça, l'intelligence ne manipule pas. Oh, ouais, achète. Sauf que moi, je préfère me laisser manipuler par l'intelligence et acheter un char qui marche. Comprenez, c'est extrêmement facile. L'être humain reste manipulé, mais l'ego de l'homme ne veut pas être manipulé. Il veut être le boss de tout ce qui va lui arriver. Cela veut dire que quand vous rentrez dans un autobus, nécessairement, le siège que vous voulez, ça doit être vide. Cela veut dire que l'autobus doit arriver quand vous voulez qu'elle arrive, puis qu'elle part, quand vous voulez qu'elle parte. Ça nécessite que le chauffeur n'a pas avoir d'ego, ni d'âme. Ça nécessite que tout le reste de la planète ne doit pas exister. Parce qu'à un moment donné, ce qui va arriver, c'est comme je le dis souvent, le paysan a pris. Il demande de la pluie, le voyageur a pris, il demande du beau temps, puis Dieu, il ne sait plus quoi faire. Si l'être humain a réellement un libre arbitre total, il doit vivre dans un monde où il n'y a aucune autre personne qui a un libre arbitre. Si 4 953 millions d'individus ont un libre-arbitre total, si on les place sur la même planète, ils n'ont plus de libre-arbitre pantoute. C'est évident. Ils devront contourner les autres. Ils devront vivre dépendamment des autres. Ils devront être assujettis à l'écosystème dans lequel ils seront implantés. Alors, tant que l'être humain, évidemment, se prend au sérieux, problème. Quelle est l'intelligence de la culpabilité? Supporter le manque d'intelligence. Si l'homme est strictement réactionnel... Ah oui, tu peux continuer. Qu'est-ce qui force sa personnalité propre? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, ces conférences? Si l'homme est strictement réactionnel, qu'est-ce qui forge sa personnalité propre? Qu'est-ce qui forge? Sa personnalité propre, elle est forgée par trois choses. Le constituant génético-émotif ou génético-vital, pardon, qui forme son corps physique lorsqu'il est fœtalement en évolution et lorsqu'il va venir au monde, c'est-à-dire que si vous avez un cerveau de débile, ben vous serez débile. Si vous avez un cerveau qui engendre une sécrétion trop grande de certaines formes d'hormones, vous serez colérique, vous serez hyperactif, vous serez toujours écrasé, à terre, down, ou etc. Alors, premièrement, il y a ceci. Deuxièmement, il y a tout ce que les autres veulent que vous soyez, donc le milieu, donc l'éducation, qui forge la personnalité. Qu'est-ce que c'est votre personnalité propre? Et votre personnalité propre, cherchez-la pas, vous ne pouvez pas la connaître. Votre personnalité propre, vous la connaissez comment? Par rapport à ce que vous percevez de vous. Étant donné que tout ce que vous percevez de vous est réémis par l'extérieur, vous devez l'exprimer, c'est réfléchi quelque part, ça revient vers vous, et cette réflexion a tout déformé ce que vous avez exprimé. En partant, vous ne savez pas grand-chose de vous. L'être humain qui pense avoir une personnalité, c'est un être humain qui a un ego qui lui permet, un ego qui est suffisamment constitué, fusionné au niveau des personnalités réincarnatives, un ego propre, un ego qui dit, Moi, je veux ceci. Moi, je veux cela. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Savez-vous qu'est-ce que c'est qu'une personnalité propre? C'est simplement la cristallisation mémorielle de tout ce que vous avez englobé et bouffé émotivement, énergétiquement, intelligemment ou intellectuellement tout au long de votre éducation et de votre vie. La personnalité propre d'un être humain qui vient au monde au Bangladesh ne peut pas être la même que celui qui vient au monde au Canada. Ils pourront avoir la même constitution génétique, physique, le même phénomène réincarnationnel, mais ils ne seront pas les mêmes individus, ils n'auront pas la même personnalité. Pourquoi? Parce que le monde qui va les programmer ne sera pas le même. Un enfant sauvage, un enfant qui, à un moment donné, est abandonné et qui va être élevé par des gazelles ou par des loups et qui, par la suite, est ramassé par la société vers l'âge de 6-7 ans, mais on ne peut pas en faire un enfant comme les autres. Les parents pouvaient être des génies, l'enfant sera un animal. Il aura été programmé par certaines choses. On en a retrouvé suffisamment d'enfants sauvages qui avaient été élevés par des gazelles, des loups, des singes, pas encore, à part Tarzan, peau blanche, n'est-ce pas? Et ça, c'est une histoire qui est tirée de ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui forme notre personnalité propre? C'est l'accumulation mémorielle de ce que nous sommes. Mais à un moment donné, votre personnalité propre, elle devient façonnée par une autre puissance, l'intelligence instantanée. On y revient la semaine prochaine. À un moment donné, l'individu est convaincu qu'il est ceci, et soudainement, il voit nouvellement quelque chose d'autre qui lui fait prendre conscience que la vision égoïque ou personnelle qu'il avait du monde n'est pas quelque chose de réel. Il découvre à un moment donné que le monde est autre chose que ce qu'il pensait. Puis finalement, il finit aussi par découvrir que sa personnalité reste intimement assujettie à l'extérieur, à tout ce qu'on lui demande. Elle sera coupable. Moi, je suis faite de même. Moi, je suis une personne moi, qui ne peut pas dire non. Si tu veux, je te dis, je suis faite de même. C'est sûr que tu es faite de même. Toi, il faut qu'on te demande ta tondeuse, tu nous la prêtes. Il faut qu'on te demande ta sauteuse, tu nous la prêtes. Il faut qu'on te demande ta main, tu nous la prêtes. Je suis faite de même. Je ne peux pas dire non. Tu es malheureux toute ta vie, mais tu es faite de même. C'est comme ça que j'en ai pour un petit pain. Quand il était petit, il mangeait un petit pain. Quand il grandit, il mange un grand pain. Sauf que ces personnes-là, ils ont leur propre personnalité. Ils sont convaincus qu'ils sont comme ça. Moi, je veux développer ma personnalité, alors je me maquille, je me mets ceci, je m'habille différemment, je fais ceci, je fais cela. Si tu seras en plein désert du Sahara, tu le ferais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas les autres pour te regarder. Ta personnalité dépend des autres. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, ces conférences? Bon, ça m'apporte que ça me permet de pouvoir répondre à des questions. Pouvoir répondre à des questions, ben, ça amène certains phénomènes au niveau de l'intelligence instantanée sur le plan planétaire qui est extrêmement intéressant et pour moi et pour l'autre. Alors, c'est pourquoi je vais comprendre. Si l'homme n'a pas de libre arbitre, c'est donc que tout est prévu, programmé. Quel est le but de toute cette gigantesque pièce de théâtre cosmique? Pourquoi ce désir d'évoluer chez l'homme? Bon, ouais. Il y a des questions. Lorsqu'on répond à une question qui est un petit peu d'envergure, c'est pas long que la personne, avant même qu'on ait fini de répondre à la question, pose une question encore plus grande. À quoi ça sert un œuf? Un œuf, ça sert à pouvoir créer qui a fait l'œuf. Bon. Ben, c'est la poule qui a fait l'œuf, puis l'œuf, sert à créer la poule. À un moment donné, on pose la question, quel des deux t'es peuré en premier? Alors, on peut vous expliquer qu'à un moment donné, la poule t'est peurue avant l'œuf. Et c'est évident que la poule t'est peurue avant l'œuf, c'est évident. Sauf que la poule, à cette époque-là, n'avait pas l'apparence de la poule, puis elle pondait pas. Bon, à un moment donné, elle a commencé à pondre. Elle était autre chose qui finalement devient de l'énergie. Franchement, la poule puis l'œuf, autant que sa mère a dû répondre à ça, en tout cas. Bon, maintenant, pourquoi ce désir d'évoluer chez l'homme et quel est le but de cette gigantesque mascarade humaine? Regardez ceci. Vous êtes intelligent. Vous avez de l'intelligence, vous avez de l'expérience, appelez ça comme vous voulez. Et puis, à un moment donné, on vous dit de venir et puis on vous montre un endroit. Un endroit où il y a des choses, où toute la chaleur de notre planète est en train de geler. C'est un roman que je fais là pour que vous puissiez comprendre les choses. Alors, tout est en train de geler et c'est essentiel que certains individus descendent là-dedans pour pouvoir aller absorber la chaleur. La chaleur de notre surface planétaire qui tombe là-dedans. Alors, on a un immense trou et on a de la chaleur qui nous permet de vivre, d'être intelligent, d'être brillant, d'être bien. Et cette chaleur, elle est engouffrée, elle est attirée par ce trou. On aspire. Il y a quelque chose qui attire là-dedans. Quelque chose qui aime notre chaleur. Mais la chaleur, lorsqu'elle va là-dedans, elle baisse en vibration, mais elle devient de la glace. Et on sait très bien qu'à un moment donné, toute notre chaleur va être devenue de la glace là-dedans, donc on ne pourra plus vivre. Alors, il faudra que certains se sacrifient, descendent là-dedans. Ils vont geler. Oui, ils vont geler pour même plus bouger. Sauf qu'ils vont commencer à eux autres aussi, ils vont être capables d'accumuler la chaleur qui descend dans le trou. Donc, lentement, dans le trou, ils vont finir par se réchauffer. Se réchauffant, ils vont finir par réchauffer le trou. Réchauffant le trou, ils vont finir par empêcher la chaleur de la surface de continuer pénétrant dedans. Donc, nécessairement, ils vont sauver toute la surface. Alors, on va dire à certaines personnes, toi, ou bien non, certaines personnes vont se dire, bon, ben moi, je vais y aller. De toute façon, si je reste sur la planète un jour, moi, je l'ai. Alors, autant je l'ai tout de suite, puis au pire, faire quelque chose d'écologiquement intelligent. Alors, il y a certaines personnes qui sautent dans le trou, puis là, qui commencent à geler. Alors là, ils sont gelés, mais le cœur, ça circule, le cerveau est nourri. Puis là, ils se disent, bon, ben là, il faut faire quelque chose. Tu sais, à un moment donné, on va être assez gelé qu'on ne saura même plus qu'est-ce qu'on est venu faire là. Alors, pendant qu'on reste brillant, on va graver dans la glace qui est là que nous sommes des esprits, que nous sommes ceci, que nous avons un contact à l'extérieur, puis qu'un jour, on va rejoindre l'extérieur, qu'on va s'en sortir. Ça, c'est l'archétype cosmique, c'est le mensonge cosmique. Puis lentement, on gèle. Puis gelant encore plus, on finit par dire, là, on pense mal, le cerveau est de moins en moins nourri. Et là, on n'arrive pas encore à absorber suffisamment d'énergie de surface de chaleur, parce qu'étant donné qu'on est tellement chaud, c'est nous autres qui la donnons. On nourrit le trou. Nourrissant le trou, on finit par être tellement gelé qu'on ne peut même plus penser. C'est là que l'humanité commence à refaire une phase d'évolution. On ne peut plus penser. Mais si on ne peut plus penser, il faudra que les personnages en haut, qui sont la même chose que nous autres, ben, de temps en temps, envoient plus de chaleur pour nous réchauffer. Hein? On évolue un peu plus. Et à un moment donné, ben là, vu qu'on évolue un peu plus, le trou ramasse la chaleur, alors on l'oublie un peu. Alors, ce qui fait que finalement, les personnages en haut qui sont suffisamment intelligents vont manipuler. Ils vont gorocher des absorbants de chaleur, ils vont gorocher des chartes noires dedans. Ils manipulent ce qui se passe dans le trou. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous manipulent nous autres. Étant donné qu'on est gelé comme des crottes, à un moment donné, on finit par amasser l'énergie qui continue à descendre. Tout ce qui est dans le trou absorbe l'énergie, mais l'homme aussi peut l'absorber. L'homme l'absorbant, l'énergie de chaleur qui descend dans le trou commence par trouver un support intéressant, l'homme. Avant, l'homme était de l'esprit, dans le trou, ça venait de terre et de l'homme. Mais l'homme accumulant l'énergie une par-dessus l'autre, se réchauffant graduellement, il retrouve son intelligence. Alors, à un moment donné, il retrouve juste un peu d'intelligence, puis il peut recommencer à lire ce qu'il a écrit. Puis là, il se rend compte qu'il a été créé. C'est ce qu'il avait écrit en descendant. Là, il se rend compte des choses, puis il dit, sacrebleu, toute la glace qui est là, on est mieux qu'eux autres. On est ceci. Là, il se rend compte qu'il se réchauffe, puis il se dit que là, tout l'univers est pour l'homme. Hein? Tous les dieux s'adressent à l'homme, on peut les prier. Puis quand on les prie, on veut qu'ils nous donnent plus de chaleur. Mais en haut, tu peux prier tant que tu veux, mais si c'est pas le temps de te donner de la chaleur, on t'en donnera pas. Parce que si on a besoin en haut, quoi que ce soit dans le trou qui se passe, on n'en donne pas. Puis lentement, l'humain se réchauffe, après des millions d'années, il se réchauffe, il gagne en vibration. Ce qu'on appelle les contacts avec les plans plus énergisés. Puis finalement, il arrive au contact avec l'intelligence supramentale. Et l'intelligence supramentale, ben, c'est un état de réchauffement suffisant où il commence à voir qu'il est dans un trou. Mais il est dans un trou, puis il commence à se rappeler le pourquoi il est dans le trou. Alors, à partir de ce moment donné-là, il ne veut plus évoluer comme ceux qui sont encore gelés. Ceux qui sont gelés finissent par se dire, « Hey, il fait chaud en haut. Sacrons notre camp. » Le rôle de l'homme, c'est pas de sacrer son camp, c'est de rester dans le trou pour absorber suffisamment de chaleur pour réchauffer le trou. Et quand il aura réchauffé le trou, il aura éliminé le problème évolutif de notre création, de tous nos super-univers. Et là, évidemment, le trou ne sera plus un trou. Ce sera même un lieu aussi beau que l'extérieur. Alors, tant que l'être humain évolue pour sacrer son camp, pour être sauvé, pour se sauver même finalement, ben, l'être humain il commence à comprendre qu'ailleurs c'est chaud, puis il veut s'en aller. Alors ailleurs, on ne le réchauffe pas plus pour l'instant, pour pas qu'il parte. Il y a un rôle à jouer sur le plan terrestre et un rôle à jouer dans notre création. À un moment donné, ben là, il se réchauffe juste assez, mais en étant terrestrifié, c'est-à-dire qu'il reste gelé. Les pieds sont gelés, la tête se réchauffe. Vu que les pieds sont gelés, il ne peut pas partir, sortir du trou. Alors finalement, il finit par être juste suffisamment réchauffé pour voir qu'il est dans un trou, mais pour voir aussi l'intelligence de sa présence dans le trou. Puis alors là, maintenant, il accepte de jouer le rôle. Évidemment, maintenant qu'il accepte, qu'est-ce que vont faire les personnages en haut? C'est lui qui va réchauffer. Alors, il y a un contact avec l'intelligence instantanée et on le réchauffe, lui. Pourquoi pas les autres ne sont pas prêtes? Tu sais, quand tu réchauffes trop vite, là, tu brises, tu tues, tu démolis. Alors, on les réchauffe lentement. Mais là, lui, il est suffisamment chaud qu'on peut commencer à y en donner. Ça devient un homme nouveau. Il n'est pas sauveur des autres. Tout le monde va passer par là. Le rôle de l'homme, même si nombritiquement parlant, on ne le comprend pas, faut qu'on le voit d'une façon plus cosmique, plus d'envergure. Puis lentement, l'être humain qui reste restrifié finit par recevoir le reste de la chaleur, et lentement, il rayonne cette chaleur. Il réchauffe le trou, jusqu'au jour où il n'y aura plus de trou. Et ce trou, c'est notre création. Quand il sera suffisamment réchauffé, bien évidemment, il n'y aura plus de création. Le rôle de l'homme, c'est donc de mettre fin à l'évolution expansive de l'univers. Donc, à tout ramener vers ce que c'était au début. C'est une petite histoire, mais qui devrait quand même aider à faire comprendre un peu l'idée de l'homme. L'homme n'est pas ici sur le plan terrestre pour un farfelu. Une victime d'un viol ou d'un acte non intelligent qui ne se sent pas coupable, car elle sait qu'elle n'a pas rien fait pour avoir cela, sauf de se trouver là. Elle est pourtant blessée, salie par ce viol. Que doit-elle ou il se dire? Lorsque l'on parle, le problème qu'il y a, c'est qu'elle a été instruite, cette personne, à être salie par un viol. Les termes sont déjà là. Et pourtant, blessée, salie par ce viol. Un viol ne salit pas personne, sauf que l'autre est sale, puis on se lave, puis on se dévient propre. Alors, il n'y a pas de salissement. Il n'y a rien de ça. C'est parce qu'on a été... J'ai déjà expliqué, à un moment donné, une femme se fait arrêter, se fait accrocher, se violer. Elle décide de prendre plaisir au viol. Ah, évidemment, ça frustre tout le monde. Bon, ben alors, qu'elle ne prenne pas plaisir au viol, puis qu'elle reste souffrante le restant de ses jours. Elle pourra prendre plaisir, le gars va arrêter de taper dedans. Puis quand le gars va commencer à prendre plaisir qu'elle prend plaisir, alors elle aura tout le loisir de taper dans le gars. Mais tant qu'elle se défend et qu'elle veut rien savoir, elle est en train de se mortifier et de se démolir complètement. Effectivement, elle était là, et c'est tout. Puis l'autre, il était là, et c'est tout. Les conditions événementielles ont abouti là, et c'est tout. Il n'y a pas de salir ou de ceci ou de cela. Ça devient ridicule, à un moment donné, tout ce genre de mots. Elle a été éduquée à se sentir sale après ce genre de choses. Une relation sexuelle, bien souvent, ça vire souvent en viol. La femme se fait quasiment toujours violer par l'homme. La femme, elle finit par accepter le viol. Alors, elle ne se fait pas violer. C'est le même phénomène à un moment donné. T'sais, le corps physique, c'est pas tout le phénomène de la femme, c'est pas tout le phénomène de l'homme. Même pour un enfant. Ça devient, c'est évident que c'est inécologique, stupide et aberré, ce genre de choses. Sauf que pour l'instant, tant que c'est là, c'est là. Si à un moment donné, je travaille avec un enfant qui s'est fait violer, ben, on va travailler comme un enfant qui ne sera pas fait violer. Mais s'il nous parle de son expérience, ben, on va lui dire, ben oui, c'est une expérience. Hein? Ça a même affaire que comme quand tu te mouches le nez. Sauf que là, tu es fait moucher par un autre. C'est tout. Évidemment, il y a des problèmes, il y a ceci, il y a cela, il y a des êtres humains qui sont violents, etc. Mais l'être humain est tellement pogné avec son corps que finalement, il traumatise même les choses normales. C'est comme si une femme qui fait du nudisme se couche quelque part, à un moment donné, c'est un écureuil qui vient jouer ce qu'il faut pas. Mais alors, on n'a pas l'impression qu'elle a été salie. Mais parce que c'est un homme, un égo manipulé, qui, à un moment donné, va finir par faire un acte, même s'il n'est pas complet, ça ne change rien. C'est comme de dire que l'enfant qui naît suite à un viol est un enfant sale, est un... Ben moi, j'aurais autant de plaisir avec lui qu'avec n'importe quel enfant. Intelligemment, je ne pourrais pas le différencier. Il y a beaucoup d'humains qui vont le différencier. Oui, mais c'est un enfant d'un violeur, ça ne change rien. Raison de plus, il est entre tes mains. Organise-toi pour qu'il soit mieux. L'être humain, parce qu'il pense que c'est sali. Je vous dis pas que j'aimerais me faire violer. Je vous dis simplement que si ça m'arriverait, ben, ça changerait rien à ma vie. Un homme qui parle presque pas va-t-il avoir plus de difficultés pour entrer en contact avec son ajusteur de pensée? Non, pour la simple raison qu'à un moment donné, ben, il va surprendre tout le monde, puis on va trouver qu'il était mieux avant. Quand il disait rien. Parce qu'il va finir par parler lui avec. Quand Jésus s'est fait poser la question si sa force venait de Belzébuth ou de quel esprit? Il n'y a pas un début à la question. Ben, Belzébuth, rien de dangereux, c'est l'énergie tellurique d'un petit plan planétaire. Puis évidemment, si le Nazaréen guérit, c'est que sa force lui provient de Belzébuth. Maintenant, c'est lui qui manipulait les forces belzébuthiennes. Et pour manipuler les forces belzébuthiennes sans égo, il faut évidemment être connecté à l'esprit. Si je comprends bien, je pense, après, j'agis. Par la suite, je peux voir si c'est bien ou non. Comment savoir si c'est intelligent ou si je suis encore manipulé à voir que c'est bien? La semaine prochaine, on revient sur le savoir instantané. J'y reviens souvent. Pourquoi? Parce qu'on a fait la conférence en deux grosses parties pour la simple raison que je savais qu'on ne pouvait pas tout amener le phénomène dans une conférence, en une soirée. Fallait commencer par taper un peu sa culpabilité, puis après ça, répondre à quelques questions. Je pense, après j'agis, oui. Sauf que c'est souvent plus intéressant d'agir sans penser. Mais il y a beaucoup d'individus qui pensent et qui immédiatement agissent. Il y a un problème. Lorsque l'être humain se dit « si je veux essayer de conséquentialiser des choses, il n'y a rien qui me dit que ce ne sera pas une manipulation aussi, il va juste voir du bon. » Alors, il y a une expérience assez intéressante qu'on fait dans une pratique à Jupen d'ajustement de la pensée, où on demande à l'individu de nous expliquer clairement « toi tu veux t'acheter une maison, alors explique-moi pourquoi c'est correct de t'acheter une maison. » Alors, évidemment, l'autre qui veut acheter une maison, ben, il va. Après ça, on dit maintenant, tu dois m'expliquer pourquoi c'est stupide de t'acheter ta maison. Puis là, parlez. Vous allez vous rendre compte, à un moment donné, vous allez avoir autant de contre que de pour. Là, ça devient, vous vous rapprochez de la préscience. Là, vous commencez à enligner des futurs possibles. Puis après ça, on va dire, bon, maintenant, disons que tu achètes la maison, c'est correct. Mais que le feu prend dedans, puis on met des choses. Une bonne, une mauvaise. On y va pas avec juste des mauvaises ou juste des bonnes, là. Une bonne, une mauvaise. Une bonne, une mauvaise. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que le gars ou la fille va dire, « Ouais, mais là, avec tout ce que j'ai mis, là, je ne sais plus pas tout. » Peut-être. C'est peut-être mieux d'attendre. Mais si tu l'aurais fait sans voir tout ça, peux-tu me dire que ta décision aurait été meilleure? Tu peux être plus manipulé, mais si tu te forces à mettre autant de négatifs que de positifs, la manipulation, elle commence à se rapprocher de l'intelligence. C'est pas mal compliqué de te faire faire un choix qui serait émotif. Puis à un moment donné, ben, on additionne les choses et puis on finit par prendre une décision. Si c'est réellement pour et contre, c'est égal, prenez 25 cents. De toute façon, le choisir comme ça, ben, c'est la même affaire. Mais à un moment donné, l'humain va arriver à pouvoir enligner les futurs, il pourra comprendre ce que c'est que d'être conséquentiel. Est-ce que ça nuit écologiquement des choses? Pas juste à la nature. On parle de l'écologie psychologique, de l'écosystème social, de l'écosystème familial, de l'écosystème professionnel, de l'écosystème naturel, de tout cela. Alors lentement, l'humain finit par être capable, en ajustant sa parole, d'ajuster sa pensée, et il sera conséquentiel. Il se fera encore avoir, mais c'est pas grave, il est au moins sur le chemin de la liberté. J'ai quelquefois l'impression de suivre les cours PMC par crainte de culpabiliser. Si je ne me donne pas cette chance de travailler mon ego, je comprends l'intelligence des cours, mais il me donne beaucoup de stress. Comment m'empêcher de culpabiliser si je ne les abandonne pas pour l'instant? personne devrait simplement parler avec ceux qu'elle rencontre de temps en temps, c'est-à-dire soit les professeurs et ces choses-là, parce qu'à un moment donné, c'est évident qu'il y a un problème. On ne peut pas faire une chose en continuant à se sentir coupable. Le problème qu'il y a, c'est que chez elle, l'ego la manipule, s'arranger pour qu'elle quitte quelque chose, et en même temps, elle explique qu'elle voit l'intelligence d'être là. Si elle est sûre de voir l'intelligence d'être là, ben elle va rester là. Je dis pas qu'elle reste là, je dis qu'elle va rester là. Par contre, à un moment donné, si elle n'en vaut plus l'intelligence, j'espère qu'elle va s'en aller. C'est tout.